couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 36. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le à l'adresse suivante dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur notre forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante eelb.su. Vous pouvez commenter les émissions, réagir aux articles qui paraissent sur le site, discuter de tous les sujets qui vous intéressent. Il y a différentes sous-sections, crypto, informatique, guide racial des villes, etc. etc. Un forum des expatriés aussi. Bref, allez-y, c'est ouvert à tous. Si vous avez des problèmes d'inscription, envoyez-nous un petit message à l'adresse que nous avons donnée afin que nous procédions manuellement à l'activation de votre compte. Si vous avez des difficultés à trouver le domaine qui est en clair de démocratie participative, car comme vous le savez, notre adresse change constamment du fait de la censure, eh bien vous n'avez qu'à vous reporter au groupe démocratie participative sur le réseau social gab.com. Le lien est actuellement sur le site, il est tout le temps sur le site en fait. Donc voilà, si vous cherchez à retrouver l'adresse courante, vous la trouverez là-bas tout le temps, en permanence. Et on a déjà expliqué, mais on recommande l'utilisation d'un VPN pour avoir constamment accès au site, bien sûr. Ou alors le navigateur Brave, gratuit, qui permet de naviguer en deux clics sur Tor et donc d'insérer dans la barre de navigation notre adresse Tor, donc notre oignon, on appelle ça un oignon, hein, une adresse Tor, c'est comme ça qu'on l'appelle, et vous pouvez trouver le site en permanence. Donc une fois que vous utilisez constamment notre oignon Tor, ben il n'y a plus de problème de nom de domaine, c'est tout le temps le même, donc problème de censure réglé. Voilà pour ces précisions, je procède à la présentation des membres de cette semaine. Est avec nous Nogaret, salut Nogaret, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, salut à tous les auditeurs. Oui, je vais très bien. J'avais commencé mon hibernation, mais j'ai été réveillé par des cris et des larmes venant d'une certaine assemblée. Ah oui, oui, ce dont tu parles. Oui, tout à fait. Est aussi avec nous cette semaine notre ami Derek le Cardinal, mobilisé pour un petit peu, faire l'exégèse des signes que nous envoie le divin. Hein, nous avons des choses à discuter à ce propos-là. Comment vas-tu, cher cardinal? Oui, salut Gandalf, salut tout le monde. Oui, bah écoutez, effectivement, j'ai été appelé par, comme Nogaret, par le cri du divin. depuis l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Effectivement. Parce qu'il en reste. Oui, et donc... Je pense que les auditeurs seront ravis d'écouter ton exégèse depuis ta chaire, hein, de la Sorbonne, car en plus d'être cardinal, tu es donc docteur en négrologie, faut-il le rappeler. Cette semaine aussi avec nous, comme chaque semaine, Vincent qui nous fait le très grand plaisir d'être avec nous. Salut Vincent, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé une bonne semaine, autant que faire se peut. Oui, bonjour à toi Gandalf, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux participants, je vais très bien, merci. Moi aussi, naturellement, ce qui s'est passé à l'Assemblée a été pour moi, même de France, j'ai entendu les échos jusqu'ici, où on en a parlé, hein, même abondamment. Ah bon ? Ah oui ? Ah bon ? Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ah tiens, oui, ah, oui, je savais pas. Dans les journaux. Ah bon ? Ah oui ? Ah si, si, si. Oh là là, si, si, on a eu dans le Daily Telegraph, quoi, et d'autres journaux, on en a parlé. J'ai pu avoir les échos lointains et je me suis rapproché grâce à Internet pour voir ce qui s'est passé en France et je n'ai pas été déçu. Nous allons en parler. Effectivement. Je rappelle à nos auditeurs que s'ils souhaitent suivre Vincent et ses travaux, il faut se reporter à son site internet blog blogue-sc.com blog-sc.com. Vous pouvez le soutenir là-bas par différents moyens, crypto-monnaie, virement bancaire, me semble-t-il que c'est possible, mais tu me corrigeras si je me trompe, et sinon, envoi de... Pas par virement bancaire peut-être ? Ben non, puisqu'on ne peut toujours pas faire de virement. Non, non, non, non, c'est crypto-monnaie ou envoi de numéraire, mais merci beaucoup de nous soutenir. Oui, bien sûr, oui, voilà, d'accord, ouais, faut être précis. Voilà pour ça. Alors, nous allons remercier nos donateurs de la semaine. Est-ce que peut-être tu as eu des donateurs cette semaine en particulier que tu voulais remercier ? Je n'ai pas été averti de donateurs, donc non. Mais naturellement, je remercie toujours ceux qui, même anonymement, nous font des dons qui nous permettent, comme démocratie participative, de continuer notre action. Absolument. Alors... je tiens donc à remercier maintenant nos donateurs de cette semaine, qui se sont... Alors d'abord, les donateurs anonymes, qui ne se manifestent pas, qui ne nous envoient pas de messages, qui ne tiennent pas à être remerciés lors de l'émission, mais on voit quand même les dons qui sont faits. Sans eux et sans tous les donateurs, on ne pourrait pas faire ce que nous faisons, poursuivre notre action, qui a quand même... toute l'attention de nos amis les juifs, mais il y a des personnes qui nous font des dons et qui nous écrivent pour que les remercie, bien évidemment, et certains ont tenu à faire un geste très généreux, et notamment ce donateur, qui s'appelle, comment dirais-je, Tortue Têtue, que je salue très chaleureusement. Alors voici le message qu'il nous envoie. Chers démocrates, tout d'abord, je souhaite vous remercier pour le site Démocratie Participative. Je l'ai découvert par hasard en 2019 quand Braise Info a mis un lien vers l'un de vos articles. J'ai d'abord été dérouté par le côté fantasque, exubérant de la langue. Mais cette apparence potache s'accompagne d'analyses justes et profondes. Ce que je lisais m'a tellement plu que je suis remonté aussi haut que possible dans vos archives pour lire tout ce que j'avais manqué. J'ai beaucoup appris et compris grâce à vous. Les textes doctrinaux sont tout simplement exceptionnels. Grâce à vous, le monde est plus clair. Merci tout particulièrement de mettre aussi bien en lumière le rôle des youtres dans la crépublique. J'encourage toujours les gens à pratiquer le dialogue interculturel avec les juifs, car je sais d'expérience que mieux on les connaît, plus on les hait. Votre émission est en plus un régal hebdomadaire. J'adore les merlinades, le comique du cardinal, les analogies historiques de Vincent Renoir, les intervenants moins en couleur mais solides, et qui gagne en aisance au fil du temps. Et bien sûr, le héros de cette fête, Gandalf le Lumineux, qui braque sa lanterne, merci, merci, sur les présupposés et les non-dits des sujets abordés pour leur donner un sens. Gandalf rassembleur, qui a su construire autour de lui une petite équipe. Il est très laudateur, merci, comment dirais-je, Tortue Têtue. Gandalf le héros, qui, comme Vincent Renoir, se sacrifie, bon, à ma petite échelle, ouais, pour nous aider à nous relever. C'est avec joie que je peux maintenant donner un coup de pouce à Démocratie Participative. Hein. Je ne peux pas m'exposer au front comme nos paladins. Je dois hélas me contenter d'un don. Ce deuxième virement, le premier était un test, règle le coût de mes études à l'université raciale socialiste. Quel montant mettre ? Réponse, donc c'était 732 €, 1488 €. Réponse, bon bah 1933 €. 12,5 Monero. Longue vie ADP et c'est signé Tortue Têtue. Donc vous voyez, c'est un don très généreux. On n'en a pas souvent des dons aussi généreux. Il y en a eu quand même hein, dans le passé, mais pas régulièrement. Mais on en a eu quand même. Mais bon, c'est très substantiel. Et ça répond effectivement, bon, il y a toujours des fluctuations dans les dons, mais ça répond à, comment dirais-je, aux besoins hein, qui sont les nôtres. Et je m'étonne même qu'on existe encore, vu tout ce qu'on a mis sur notre route. Franchement, quand je vois les autres médias qui se financent sans aucun problème, c'est assez extraordinaire. Je voyais par exemple Street Press, je ne sais pas si vous connaissez ce média juif. Ça a été créé par un juif, là, de l'équipe. Oui, oui, le média antifasciste. Ah oui, antifasciste et juif. Oui, juif, littéralement, hein, je veux dire. Eh bien, alors, je ne vais pas comparer, c'est pas pareil, mais rien que pour leur année, là, ils ont sollicité leur donateur, ils avaient besoin de 600 000 euros. 600 000 euros pour une année. Vous voyez ? Et au fond, quand on regarde leurs articles, il n'y a rien de très. C'est pas non plus extraordinaire, quoi. Hein, voilà, hein, c'est d'autant plus qu'ils ont l'exposition. Bah, il faut payer des trous de balles pour qu'ils puissent habiter à Paris, quoi. C'est tout. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Alors, le pire, c'est que c'est un média juif. Donc, quand on regarde les propriétaires, on sait qu'en plus, il manque pas d'argent. Mais bon, voilà, au nom oui. de. Voilà, bon, voilà. Alors bon, oui. c'est vous dire si même des médias comme Street Press qui sont très bien exposés sur. Sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, qui sont en plus portés par des médias qui sont dans le même bain, si vous voyez ce que je veux dire, parce que tout ça est un écosystème, et bah c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes handicaps. Quoi, hein. Donc nous, on boxe avec les deux mains attachées dans le dos, les jambes attachées, à genoux, sur le ring, avec un flingue braqué sur la tempe, quoi, voilà, et on doit gagner le match quand même. Hein, c'est vrai que c'est pas pareil. Bah. Donc ils ont des facilités énormes, bon, je parle même pas de grosses machines comme Mediapart, etc., parce qu'en plus, Edwy Plenel, lui, a carrément forcé la main du gouvernement pour avoir un taux de TVA préférentiel. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais... Et dans le même temps, on voit que d'autres médias comme Rivarol, par exemple, eux sont carrément privés, bah, justement, de leur... alors, même pas de subvention directe, mais en fait de subvention indirecte par des facilités de livraison hein, pour les abonnés. Donc, on voit bien que... Bah, la censure s'exerce sur tout le monde, hein, mais les autres ont toutes les facilités monétaires possibles et imaginables. Donc oui, les donateurs, c'est eux qui font la différence. Vraiment. C'est uniquement nos auditeurs, lecteurs qui font la différence. Sinon, on ne peut pas poursuivre, hein, c'est tout simplement ça. Quoi. Donc merci à Tortue Têtu pour ce don très généreux qui contribue à la poursuite de l'action. Et aussi, je remercie aussi cette semaine Mélas Autocrator, qui est un donateur régulier et qui n'avait pas eu confirmation. Donc là, je tiens à corriger ça. Donc, Mélas, on a bien reçu ton don d'octobre, c'est confirmé. Nous avons aussi confirmé les dons qui étaient en attente de confirmation. Vous savez qu'il y a un petit temps de latence. Donc, normalement, ça a été fait. Vérifiez vos boîtes d'email si vous nous avez demandé une clarification. Si d'aventure, vous ne l'avez pas eu, n'hésitez pas à nous réécrire. Donc merci à tous nos donateurs. On va voir comment les chances vont évoluer, mais à mon avis, il y a beaucoup de sites, etc. La censure va encore se renforcer, à mon sens. On va voir. Voici pour ça. Donc merci à tous. Et on poursuit, on continue l'offensive. Rubrique numéro 1, messieurs, courrier des lecteurs. Premier courrier. Bonjour Gandalf. Fervent lecteur et auditeur de démocratie participative, je me lance dans un premier courrier des lecteurs qui, je l'espère, retiendra votre attention et sera diffusé à l'occasion d'une émission. Alors, voici ce qu'il nous dit. Je vous salue bien haut, amis démocrates. Je n'ai jamais été très doué pour l'écriture, mais je m'y essaye, quand même, afin de vous relater mon expérience récente en milieu hospitalier. On en a eu plusieurs comme ça de témoignages. Alors, ça s'annonce coloré, dis donc. Oui, bah, comme, oui. Ah oui, non, mais tu vas voir, c'est plus nuancé. Il y a un début vanille et puis il y a une suite chocolat, tu vas voir. Donc, alors, ma femme ayant eu l'honneur de m'offrir une belle petite fille à la mi-octobre, le séjour en hôpital public était obligatoire. Parlons d'abord des employés de l'hôpital. À ma grande surprise, il n'y avait pas que les blouses qui étaient blanches. Du début à la fin du séjour, seules des blanches se sont occupées de ma femme. Quel étonnement! Le fait que nous étions en pédiatrie y était sûrement pour quelque chose. Je précise que ça se passe en Bourgogne, normalement. De nature plutôt pessimiste, j'ai été forcé de constater que cette fois, nous n'avons eu à aucun moment affaire à d'immondes nègres ou autres arabes en tout genre, sauf pour passer la serpillière dans la chambre. Mais retour à la réalité lors du passage à l'état civil. J'ai dû, avant la sortie d'hôpital, déclarer la naissance à l'état civil. J'attendais donc gentiment mon tour au milieu de cette faune de patients, tous plus marrons les uns que les autres. Ah oui, donc les patients étaient quand même marrons. Hein. Oui, d'accord. Ah bah, on parle de naissance. Quoi, oui, là. c'est ça. Voilà. Non, mais ça commençait très bien, tu vois. Et puis tout d'un coup, là, on met du chocolat dans l'histoire. Quoi. Alors, certains carrément affalés, tels des larves sur leur siège, d'autres vociférant dans des langues inconnues et sentant fort les épices, dans le meilleur des cas. Me voilà entrant dans la salle qui possédait deux bureaux. Le second était occupé par une espèce d'arabe dont je n'ai pu définir l'origine tellement c'était brouillon. J'écoutais alors d'une oreille ce que ce bougnoule baragouinait. « Pour moi, c'est le quatrième avant, pour ma femme, le deuxième !» J'imagine en même temps. Sa femme avait un nom bien français et possédait déjà deux chiards, visiblement. Ah, Magali, donc, hein, probablement. voilà. Ok, d'accord, oui. Le secrétaire d'état civil finit de remplir la déclaration, elle imprime un brouillon, le temps à l'intéresser, et lui dit « Merci de relire afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur, s'il vous plaît. » Et là, stupeur. « Mais moi, je sais pas lire !» dit l'arabe attristé. J'ai dû contenir mon fou rire et simplement esquisser un sourire nerveux. La secrétaire n'avait pas l'air plus étonnée que ça, sûrement la routine. Je me suis alors dit encore un français de papier fraîchement arrivé dans ce déversoir à merde qu'est la France. Mais non, pensez-vous. Ce bon français, repeuplant avec frénésie les écoles de nos villes, était né à Mulhouse, ville d'Alsace, largement grand remplacé en 1979. 43 ans qu'il était là et il ne savait toujours pas lire ni écrire et parlait tout juste un français décent. J'ai dû me rendre à l'évidence. Vite, Éric Zemmour, une turbo-assimilation pour ce métèque quarantenaire à l'alphabet. J'ai alors quitté les lieux en le laissant entre les mains des deux secrétaires qui mettaient tout leur cœur afin d'aider ce pauvre illettré. Voilà pour la petite histoire. Je suis tout de même honoré de partager avec vous la naissance de ma petite Erika. Ah oui. La grande Bourgogne blanche reçoit un nouvel enfant. Force et honneur à vous tous, Sikael, et c'est signé le loup de Bourgogne. Salut à toi, loup de Bourgogne. Salut à ta petite Erika, qui porte un très beau nom, très très beau nom, tu vois. Et que les dieux veillent sur son berceau. Hein, voilà, que les dieux veillent sur son berceau. Quelqu'un a-t-il un message pour le loup de Bourgogne qui nous fait part de cette si révélatrice expérience dans les maternités françaises. Donc le problème n'était pas du personnel, qui n'était pas marron. Alors par contre, le public était bien marron, hein, on nous rassure quand même. Bah, déjà, félicitations à notre auditeur hein, pour cette bonne nouvelle hein, qui lui est arrivée, donc qui profite bien. Et puis oui, il faut revenir là sur ce qui s'est passé cette semaine. Alors je crois que le gouvernement a proposé de faire des régularisations au cas par cas à la carte, massive, hein, de ouais. Massive, assez massive. Hein, en fait, c'est des régularisations avec, massives au cas par cas. Oui, parce que tu as les comment on s'appelle les crevards habituels, enfin hein, le. Pourquoi tu pensais fort bâtiment, à la restauration c'est bizarre, ce que je comprends. La restauration et donc les ouais, c'est vraiment. Donc c'est BTP, hôtel restauration. BTP restauration et puis peut-être même ce qui va être ce qu'on appelle hygiène et sécurité, mais qui va être le ménage. Bah non, ça va pas avec les arabes. Femme de ménage. C'est-à-dire que les Parisiens trouvent que les Parisiens trouvent que la femme de ménage est trop chère, donc il va falloir un petit peu de mettre plus de monde hein, là-dedans pour que ça marche. Mais comment on articule le concept Robert Ménard d'ailleurs s'est empressé de de suivre. Ah ben oui. Bon. Oui, il a dit vite régularisons. Voilà, n'allons pas. C'est-à-dire que en théorie, un état normal. Bon, allez, imaginons. il y aurait une tension qui fasse qu'au niveau de l'économie, bon, ça va pas être sur la bouffe, quoi. Hein. Le restaurant, c'est pour que les boomers puissent profiter de restos pas chers. Parce que c'est eux qui ont des retraites qui, je passe devant des restos tous les jours, c'est café de retraités, quoi. C'est café de, il y a que de ça. Donc c'est simplement pour que les boomers aient une, oui, bon, bah, pour qu'ils baffrent, pour qu'ils se chopent un diabète, hein, en mangeant des crèmes glacées, hein, parce qu'à la fin ils prennent des desserts, hein, les boomers. Hein, croyez pas que ils vont juste pour un plat et un café. Non, ça baffre bien cette saloperie. Hein. Et donc ils ont besoin que ça soit le moins cher possible, quitte à ce que la France soit transformée en un gigantesque raz-de-marée marron, hein, un étang puant, hein, purulent, toxique. Ça les gêne pas, du moment que eux, bah, tant que pour les 10-15 ans qu'il leur reste, enfin 10-15 ans, et encore je sous-estime les progrès de la science, peut-être 25-30 ans. Hein, malheureusement, je pense que la science, de ce côté-là, va faire des découvertes, puisque, de toute manière, la science est aussi à leur service, hein, quoi qu'il en soit. Donc, Avec le Covid, on l'a remarqué, oui, effectivement, oui. Et le témoignage de notre auditeur montre que, visiblement, il y a quand même un problème. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui est pas régularisé, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens qui travaillent. Et bon, lui, il est né là, donc même lui, il est français et tout. C'est un français de souche, n'est-ce pas, hein, parce qu'il est né là. Il y a plus de 40 ans. Hein, avant l'avènement, ans, hein. avant l'avènement de François Mitterrand, ça donne le vertige quand même. Oui, voilà, c'est un français Giscard, on va l'appeler. Hein, Oui. Visiblement, ça ne fonctionne pas très bien pour, enfin, ça n'est pas fonctionnel, quoi. Ça n'est pas, ça n'arrive toujours pas à lire. Ah oui, alors ça chie du gosse. Il y a pas de problème. Donc lui, il a déjà quatre gamins et sa gamine, sa compagne en a déjà deux. Donc c'est Magali. Hein. Ça Magali, ou va savoir, hein, va savoir Vanessa, ce que c'est. Vanessa aussi, hein, je veux dire. Peut-être déjà deux paires différentes, ça fera le troisième, du coup, hein, donc c'est déjà bien. A-t-on besoin de régulariser encore des inutiles? Alors oui, il y a besoin parce que les boomers ont besoin de rénover leur résidence secondaire et de bouffer à pas cher dans les restos. En gros, hein. Bah oui. Comment voulez-vous qu'ils leur résidence secondaire, ou comment voulez-vous qu'ils rénovent leur parc immobilier locatif, puisque pour pouvoir le louer un petit peu plus cher, pour faire face aux lois environnemental qui arrive, hein, vu qu'il faut se serrer la ceinture. Oui, il y a ça aussi. Il les logements doivent être plus performants énergétiquement. Oui, d'accord, mais les logements sont détenus par qui en majorité? Qui a fait des crédits sur notre gueule en ne faisant pas d'enfants et qui s'est accaparé l'immobilier? Les taux zéro qu'ils ont eu là pendant des années, ils sont pas endormis là-dessus. Hein. Oui, donc voilà, donc c'est cette génération-là est grassement propriétaire, en nous laissant des dettes et des nègres. Hein, ils pourraient être propriétaires, ça ne me gênerait pas. Si encore on avait des opportunités, la jeune génération, les jeunes générations. D'exister avec une certaine liberté, ça me dérangerait pas qu'il ait ça. Non, ce qu'il y a, c'est que ces gens-là nous ont endettés pour se constituer un capital. Et ça, ça mériterait de se payer. Donc, bon, aucune régularisation. Et donc, il faut traquer les nègres dans les dans les restaurants, les traquaient les Pakistanais, tout ce que tu veux. Hein. Moi, j'étais à Paris il y a quelques années, juste avant le Covid. J'étais assez subjugué du nombre d'espèces de tamouls qui se trouvaient dans les. J'ai jamais, enfin moi, j'avais jamais vu ça. Bon, même dans. Non, mais assez, franchement, on ne peut pas manger. C'est un truc, le tamoul, c'est un truc parisien. Quoi. Ils ont inventé quelque chose. Là, hein. C'est une nouveauté, quoi. C'est une innovation. C'est la French Tech, quoi. Hein. C'est le tamoul. Il faut savoir que les crêperies parisiennes sont souvent tenues par des tamouls. Hein. Oui, les Bretons. Oui, les crêperies bretonnes, c'est. C'est les tigres tamouls. Ouais, c'est du Taboulistan. Hein. Il faut le savoir. Ouais, ouais. Non, ça vient du Sri Lanka, hein, mais le nord du Sri Lanka, parce qu'en plus, on ne les choisit pas par hasard, les Tamouls sont en fait les seuls musulmans du Sri Lanka. C'est-à-dire. Bah oui, là, bah tant qu'à faire. Ils sont persécutés, les pauvres. Hein, non, mais sinon, c'est pas drôle. Non. On n'allait pas prendre les bouddhistes non plus. Non, on prend les musulmans d'une île perdue au large de l'Inde, il faut quand même le faire, je veux dire. Bon, et qui en fait étaient des terroristes forcenés. Hein. Les tigres tamouls étaient des fous furieux. Hein. C'était des dingues. Hein. Et ah ouais, vraiment, sanglants. Hein. Ils sont français. Hein. Maintenant, ils sont français, ils font des crêpes. Alors. Bretons même. C'est des Bretons. Non, mais c'est vrai. Et alors, je pense que sur la place de Paris, alors sauf si vous connaissez des bonnes adresses, là, je crois qu'il n'y a pas un restaurant qui échappe en cuisine, hein, qui échappe à l'immigration du tiers-monde. Hein. Je crois pas. Hein. Je pense que... Ouais, enfin, peut-être à part les étoilés, quoi. Et Même pas, mon ami. T'as des gens de l'immigration dans les restaurants étoilés. Hein. Ah ouais. Je parle pas des chefs et tout ça. Hein. Je parle vraiment de... Oui, des commis. Les commis, les trucs comme ça. Non, mais tu ne peux pas... Je pense que sur la place de Paris, alors sauf un tout petit restaurant, mais... un restaurant d'une certaine taille, je crois que tu n'as pas de gens en cuisine qui ne sont pas issus de l'immigration. Hein. Je ne dis pas la totalité, mais une partie non négligeable du personnel à minima qui est composé de ça. D'ailleurs, j'avais discuté avec des camarades, il y avait des Allemands, des nationalistes allemands, ils arrivaient à Paris, ils hallucinaient, ils refusaient de manger dans les restaurants français. Ils disaient, hors de question qu'on arrive là-dedans. On mange pas là-dedans, non bah, non, mais les Français, bon, les Français surtout, tout ça très bien. Sont à Paris, ils font ça très bien. Les Parisiens qui prennent tout le monde de haut, enfin, en fait, ils mettent le. Enfin, ça les dérange pas de manger de la nourriture qui a été touchée par des nègres. Ah oui, non, c'est ça. Et alors, ils sont là, oui, ben nous, Paris, la culture, on a tout, machin. Ah, ils sont très fiers de. Oh, c'est très joli, Paris, c'est très joli. Mais, oui, c'est très joli, mais tu manges des trucs sur lesquels... Il y a de la matière fécale. Les nègres il y a de la matière fécale, c'est inévitable. Moi, si vous voulez, Oui, arrêtez. Mais c'est inévitable, inévitable. Mais tu sais comment les musulmans se torchent le cul? Bah, bien sûr. La main gauche. Bah oui, et les gens en rigolent, mais c'est vrai. Les musulmans ne se torchent pas avec du papier toilette, d'accord? Ils se torchent à la main. Les Parisiens sont contents dans leur restaurant, ils sont fiers, voilà, c'est bien. Bon, voilà, oui, il faut réguler. Non, mais d'ailleurs, je pense que, oui, le père des quatre enfants, là, ce Français né à Mulhouse, ce Germain, j'ai envie de dire, ce Germain, c'est allemand, certainement, lui, oui, je pratique cette tradition française d'hygiène, hein, d'hygiène corporelle. Précisons que Pierre-Yves Bougeron est probablement très content de savoir que cet homme a remplacé des Allemands à Mulhouse. Hein. C'est la francisation. On les a bien niqués, les Boches. Tu vois, on les a niqués. On les a niqués, c'est sûr. Hein. Ouais. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Le truc est téléphoné avec Darmanin là. En fait, c'est très brouillon si vous suivez un petit peu l'orientation générale de la politique d'immigration du gouvernement aujourd'hui, ou la non-politique, parce qu'en fait, c'est la même politique depuis tout le temps. Donc en fait, immigration maximale, c'est la communication qui change. Donc il n'y a jamais de variation sur la politique d'immigration, vous en prenez 400 000 par an, point barre. Ce qui change, c'est la communication. Les artifices de communication, ce qu'ils font généralement en faisant une loi sur l'immigration. On compte plus les lois sur l'immigration, je pense qu'il y en a une à peu près tous les ans qui est votée. Ça sert à rien, puisque c'est pas appliqué. Mais Il voulait essayer de jouer, il voulait faire du Sarkozy, c'est-à-dire on fait semblant d'être dur, mais on respecte le mérite. Vous savez, c'est l'immigration choisie en substance. C'est ce qu'a dit Robert Ménard. D'ailleurs, moi, je suis pour l'immigration choisie. Oh, Robert Ménard, tu fais du Sarkozy 15 ans après Sarkozy. Oh là, oh, de l'innovation à droite, au secours. Et alors, Darmanin voulait faire un peu la même chose. Hein. Voilà, on va faire de l'immigration choisie, on va être très méchant avec les méchants, a-t-il dit, et on va être gentil avec les gentils. Oui, bon, déjà, ils ne sont pas méchants avec les méchants, et ils sont de toute façon coulants avec tout le monde, donc on sait qu'il ne va rien se passer. Là, il y a quand même une petite série de... Oui, bah oui. De crimes, entre les assassinats, les viols, etc. Où tu. Alors, c'est parti avec la petite gamine, là. Hein, non, c'était d'abord Nantes avec le viol collectif par trois Soudanais ou trois Somaliens, j'ai oublié. Non, c'est trois Somaliens. Je crois que c'est trois Somaliens. Ah, dans les rues de Nantes, c'est là que la sauce a monté. Ils étaient sous OQTF, c'est ça? Ils étaient sous OQTF. Je crois qu'ils avaient été régularisés. Mais régularisés. Non, mais là, il y a eu le viol à Rennes, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, oui, il y a oui, eu oui, le, oui, le oui, petit oui. Lola, où oui. En fait, tu t'appelles à chaque fois. Ce sont des gens qui sont sous obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire... Ouais, mais c'est pareil avec les attentats terroristes, ils sont tout le temps sous OQTF. Alors attention, hein, l'obligation de payer tes impôts et l'obligation de quitter le territoire, tu n'as pas du tout la même... comment dire ? Sévérité. La même sévérité. Et, voilà, c'est... L'obligation de quitter le territoire, c'est... C'est une expression, c'est, quoi. Oui, c'est une... Oui, c'est un papier. C'est un papier, voilà. Ouais. Oui, d'ailleurs, moi, j'avais été en cellule avec un immigré illégal. Il me racontait qu'en effet, en France, c'était très facile de rester. Hein. Il m'a donné des tas de ficelles, des tas de machins. On était restés 23 heures ensemble dans une cellule à deux, enfin, qui était faite pour un. Mais et il m'a expliqué tout ça. C'était très très intéressant. Et notamment, il me disait, bah oui, en fait, on nous donne une obligation de quitter le territoire, mais de toute façon, il suffit de refuser. Et puis si on est arrêté, comme de toute façon, ils peuvent pas nous expulser manu militari, ils sont obligés de nous relâcher. Et donc, tu disparais dans la nature, et puis c'est bon. Enfin, il m'a expliqué les choses, c'était hallucinant. Il t'a expliqué l'état de droit. Hein. Quand ils les arrêtent, en fait, c'est juste pour qu'ils aient... On les prend, on leur donne à manger un petit peu gratuitement. Enfin, on les loge, on leur donne à manger. Puis après, on les laisse sortir. Enfin, ça s'appelle des vacances, en fait. Hein. C'est le concept de vacances, c'est ce que la gauche appelle les camps de concentration, des trucs comme ça. Oui, d'ailleurs, il me disait que des camps de rétention avaient un confort meilleur que ce que lui pourrait avoir s'il travaillait. Oui. Bah, oui. C'était vraiment hallucinant. Bah, les associations veillent au grain, si tu veux, quand tu as... Ouais, elles sont payées pour. Tu peux pas, Oui, sa majesté, l'homme marron, ne peut pas être dans son royaume, dans une situation où il ne dispose pas du confort qui sied à sa condition. Qui lui est dû, qui lui est dû, de droit divin. J'ai dit ça justement qu'on voyait émerger notamment France 3. France 3 s'est beaucoup spécialisé là-dedans. France 3 région, vous savez. Sur les cas de boulangers, plombiers, électriciens. Ah, oui, les apprentis. Voilà. Apprentis. Mais les travailleurs. Et les autres ne veulent pas le faire. Et voilà, elle expliquait. Voilà. Et il y en avait même un qui avait fait grève de la faim, qui s'était porté candidat pour Jean-Luc Mélenchon, si vous vous rappelez. Donc c'était extraordinaire, parce qu'avec Mélenchon, la petite bourgeoisie patronale avait vu la lumière et s'était ralliée à l'extrême gauche. Alors on innovait quand même dans le genre du marxisme, où en fait la petite bourgeoisie patronale exploitant des travailleurs sans papier. Simplement parce qu'il faisait venir donnait un pass à des gens de couleur, trouvait grâce aux yeux de l'establishment mélenchoniste. Ça, c'est, je crois que là, il y a eu un moment d'inflexion intéressant. Et alors, très récemment, c'était cette semaine, c'est Quotidien qui a envoyé ses journalistes, justement, auprès de patrons, qui expliquait que c'était très très bien de régulariser les immigrés. Alors, il y a une espèce de convergence qui se fait, si vous voulez, entre les médias de gauche, les partis de gauche, le MEDEF, évidemment le pouvoir macroniste, pour régulariser tout ça très très vite. Alors, au bout d'un moment, si vous voulez, faut quand même réfléchir à ça 3 secondes. C'est comment ça se fait que l'extrême gauche, le MEDEF, le petit patronat, Macron convergent pour régulariser les sans-papiers. Je veux dire, là, il y a quelque chose qui colle pas. Je veux dire, je parle même pas du grand patronat, parce que le grand patronat type Bouygues, BTP, ça c'est une chose. Mais là aussi, il y a le petit patronat. Donc là, c'est plutôt restaurant ou apparenté qui explique qu'ils ont besoin de larbin. Ils ont besoin de larbin. Ils disent, il faut donner les papiers tout de suite, très très vite. Et là, il faut quand même s'interroger 3 secondes. Et malheureusement, l'imposture est assez peu dénoncée, malheureusement. Hein, je veux dire, ou en tout cas, ça ne porte pas. Mais à quel point il est évident que du point de vue des travailleurs français, des salariés français, ou de ceux qui cherchent un emploi, à quel point l'immigration et la régularisation des immigrés jouent contre eux. C'est évident. Parce que si comment voulez-vous, par exemple, l'hôtellerie-restauration, comment voulez-vous que les salaires soient appréciés à la hausse si vous avez un flux incessant d'immigrés qui sont régularisés? Alors, l'arnaque de l'extrême-gauche consiste à dire « Ah, non !» Pour mettre échec et mat le patronat, on va les régulariser. Comme ça, le patronat sera obligé de les payer comme des salariés français. Et là, il n'y aura plus de dumping social. Et là, tu les regardes, tu leur dis. Oui, en laissant les frontières ouvertes. Voilà, mais c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas affaire à un stock, tu as affaire à un flux, connard. Donc en fait, tes immigrés régularisés que tu dois payer au même prix que les Français, ils vont être remplacés par des mecs qui viennent d'arriver. Ça va pas changer, bien sûr. Et ensuite, il faut aller plus loin dans l'imposture. C'est-à-dire qu'en fait, tendanciellement, en raison de la rétractation dans les catégories actives de la population, enfin, la contraction démographique de la classe active, c'est un renversement du rapport de force en faveur de la classe active. C'est-à-dire que comme il y a moins de travailleurs disponibles, les salariés, les ouvriers, les employés sont en position de force face au patronat. Parce qu'ils peuvent claquer la porte et aller ailleurs. Donc il est évident que l'immigration, c'est un moyen de corriger pour le patronat et pour la bourgeoisie, c'est un moyen de corriger cette inversion du rapport de force actuel qui est pour des raisons démographiques. Donc les mecs vous disent « Oh, on est en tension sur tel métier, on est en telle tension sur tel métier. » Ouais, alors les ouvriers, les employés devraient les envoyer chier et dire « Ouais, vous êtes en tension, et alors, que j'en ai à foutre ?» C'est bon pour moi, c'est bon pour mes intérêts. Ça veut dire que c'est vous qui allez devoir attirer le salarié avec des conditions plus favorables. Avec des horaires différents, avec des salaires différents, etc. etc. Donc, d'un point de vue salarial, il n'y a rien à gagner dans une immigration de masse. Or, qu'est-ce qu'on voit? Tous les syndicats, toute la gauche organisée, les médias aux mains de tous les milliardaires, Bouygues et compagnie comme Quotidien, se mobiliser pour l'ouverture des frontières maximales. Là, il y a un problème. Et moi, je le dis, là, il y a un boulevard pour, j'allais dire, le front anti-immigration, pour s'adresser aux salariés et aux ouvriers français. C'est évident. Parce que ça prend une minute à leur expliquer, ils le comprennent tout de suite et ils disent c'est dans notre intérêt de garder les frontières fermées. En Australie, c'est ce qui s'était passé d'ailleurs durant le Covid. Comment dire? Par la force des choses, ils ont fermé les frontières. Le patronat s'est mis à hurler parce qu'ils étaient obligés d'augmenter les salaires. C'est mécanique, c'est évident. C'est évident. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs historiquement avec la formation du capitalisme, hein, après la peste noire. Il y a eu une telle destruction de la population avec la peste noire qu'il a fallu, les différents seigneurs qui étaient propriétaires terriens ont dû attirer les gens sur leurs terres en leur offrant des avantages pour travailler leurs terres. C'est comme ça que les salaires ont commencé à apparaître. Vous comprenez? Ça a été une véritable révolution. Eh bien, quand vous avez une contraction démographique, ça joue pour la base, pas pour le haut de la pyramide. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vous font... Il y a ce roulement médiatique, et c'est extrêmement puissant, et j'en finis, parce qu'en fait, c'est comme avec les guerres, ils sortent l'argument humanitaire. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, non, mais c'est pour les droits de l'homme, c'est pour aider son prochain. Et là, tout d'un coup, tous les radars s'éteignent, quoi. Les gens arrêtent d'avoir... l'esprit critique des gens est neutralisé. Et ils disent, ah bah oui, c'est vrai, on va quand même pas le foutre dehors. C'est vraiment faire appel à l'émotion, manipuler le caractère empathique des Blancs. Donc, en fait, c'est du chantage émotionnel. Ça, on fait pleurer dans les chaumières. Et les gens capitulent mentalement. Ils disent, ah bah oui, bon, d'accord, dans ces conditions, d'accord, ok, oui. Donc, le patronat a très bien compris la ficelle. Ils utilisent l'argument humanitaire en prenant le cas du, je sais pas, d'un Africain. Ah oui, mais il est travailleur, il est courageux. Et vous avez qu'à regarder, ça loupe pas. Ah bah oui, il faut lui donner les papiers. Hein, il les a bien mérités, quoi, voilà. Ah bah oui, bah à ce tarif-là, les gars, vous plaignez pas si vos salaires se cassent la gueule ou à défaut de se casser la gueule, n'augmentent pas dans un environnement inflationniste en plus, quoi. C'est-à-dire tous les prix montent, votre salaire, lui, il reste fixe. Ça veut dire qu'en réalité, vous perdez du pouvoir d'achat et pendant ce temps-là, ils font ramener le tiers-monde qui, lui, va accepter... Alors, attends, il faut rappeler que quand Emmanuel Macron a été réélu, il y a eu une mesure d'urgence d'augmentation des retraites, quand même. Ah, j'avais oublié pas ça. Pas tout le monde y perd. Un pas peu les fonctionnaires aussi ont eu le droit des petits, une petite revalorisation contre du oui, point oui, je crois. Oui, aussi, mais les moins peut-être, oui. Mais tu sais ce que tu disais, Gandalf, à propos de dire aux ouvriers à la base que l'immigration, ça joue contre eux. Je me souviens que c'était un discours du Front National, justement, dans les années 80. 80, début 90. Il disait bien, attention, quand on ramène des ouvriers du tiers-monde, à l'époque c'était surtout des Algériens, enfin des gens de l'Afrique du Nord, le Front National disait bien, c'est pour empêcher la base, donc les travailleurs français, les blancs, les deux souches, c'est pour empêcher la base de faire trop de revendications, de trop revendiquer en disant attention, si vous n'êtes pas content, vous partez, parce qu'il y a d'autres gens qui attendent derrière la porte. Et ça, je m'en rappelle très bien. Que le Front National avait organisé, orchestré, articulé un discours qui était absolument logique, clair, précis, je veux dire évident. Et malgré ça, c'est ça qui est fou, c'est que malgré ça, la base n'a pas réagi. Et je me rappelle déjà qu'à l'époque, j'avais dit, mais qu'est-ce que veulent les Français, bon sang ? C'est évident. Eh ben non, rien du tout. Alors j'espère qu'aujourd'hui, la situation s'aggravant, ça va davantage réagir, mais je crains encore une fois l'apathie. Les Français veulent être gentils, ils veulent... Voilà, je veux quand même préciser un truc sur ce que j'ai dit, Vincent, pardonne-moi Eric, mais tu as raison, dans les années 80, mais il y avait une expansion économique, notamment par la dette, qui était possible. Là, ce qu'on voit, on voit que là, au niveau de l'endettement, alors, ils poursuivent, mais on sent qu'on commence à approcher... des limites. Oui, ça sent pas bien. Enfin, moi, je vois un petit peu. Excuse-moi, Gandalf, je te coupe, mais je vois même sur les autoroutes, les gens roulent à 90, quoi. Oui, j'imagine que c'est pas par peur de vitesse, mais c'est parce que les mecs ont des Audi, des BMW, ils roulent des Mercedes, hein. Ouais. Ça roule à 90, hein. Ça fait caca culotte, hein. Bah, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà. Ce champ qui a été ouvert par l'expansion considérable de la dette avec François Mitterrand essentiellement, hein, enfin avec la victoire des socialistes en 1981 et ensuite 40 ans d'expansion de la dette. Alors avec Macron, là, on a atteint des sommets énormes, puisque première mandature, c'est 6 à 700 milliards rajoutés. On perd complètement la notion des volumes. La contraction démographique aussi est tout à fait spectaculaire maintenant. C'est-à-dire qu'autant dans les années 80, on voyait bien qu'il y avait un tassement démographique, on voyait bien vers où on allait, mais là, maintenant, c'est assez spectaculaire, quoi. On sait que les Blancs font beaucoup moins d'enfants, on voit l'immigration de masse qui se déroule sous nos yeux, donc on le sait. Et la logique des élites, par ailleurs, est bancale, parce qu'ils font venir des allogènes en pensant qu'ils vont faire le travail que faisaient les Français au plan qualitatif. Or, on sait que c'est faux. C'est-à-dire que ça peut faire illusion dans des métiers à faible qualification, mais certainement pas dans les métiers qui nécessitent du savoir-faire et de l'intelligence, tout simplement. Hein. Bon, voilà, le cas du Danemark l'a prouvé. Hein. Ils ont fait une analyse très claire de leur compte. Ils ont vu que quelle immigration était productive, laquelle n'était pas. Bon, tout ce qui venait d'Afrique et du Moyen-Orient, ça ne servait à rien. Et donc, ils ont arrêté. Hein. C'était purement empirique. Hein. C'était pas dogmatique, lié au racisme ou quoi que ce soit. C'était un gouvernement de gauche. C'est un gouvernement de gauche. Ils ont été reconduits, d'ailleurs. Leur audit date d'il y a moins d'un an. Donc, ils ont constaté que ça ne marchait pas. Et donc, pour ces deux raisons-là, ce message peut être entendu aujourd'hui, je pense, par les salariés de manière générale, les ouvriers, il peut être entendu. Quand on leur dit, voilà, maintenant, avec le tassement démographique qu'il y a en France, le pouvoir est entre vos mains. Quand on vous parle de tension sur tel ou tel métier, qu'il faut ouvrir les frontières, c'est un discours patronal, c'est un discours qui provient de la bourgeoisie, ce n'est pas un discours qui provient... qui est au service de vos intérêts. Il est dans votre intérêt que les frontières soient fermées pour que vous ayez le rapport de force entre vous. Mais personne ne le dit. Personne ne leur dit comme ça, tu vois. Si on disait ça vraiment, je veux dire, si par exemple, je dis ça comme ça, mais les ténors du Front National, enfin du Rassemblement National, qui ont quand même un temps d'antenne maintenant, Bardella, d'autres, le temps d'antenne qu'ils ont, ils l'utilisaient en partie en disant. Voilà, je m'adresse aux salariés, je m'adresse aux ouvriers français, aux employés français. Fermez les frontières aujourd'hui, en raison de la réalité démographique, qu'on peut déplorer, mais en raison de la réalité démographique de notre pays. C'est-à-dire le tassement de la classe active avec le vieillissement massif, l'augmentation énorme du nombre de retraités. Aujourd'hui, dans ce rapport de force-là, il est dans votre intérêt qu'on maintienne les frontières fermées, car comme il n'y a pas assez d'employés, vous allez pouvoir fixer vos propres conditions. Voilà. Ça, tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend, je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit. Or, malheureusement, il n'est pas assez martelé, je trouve, et ça devrait l'être, ça devrait vraiment l'être, quoi. Et du coup, les autres, ils exploitent, c'est-à-dire Darmanin, il arrive, il vient faire pleurer, et les gauchistes aussi, ils font pleurer Margot. Ils disent, oh, mais regardez, là, nos pauvres restaurateurs, ils n'arrivent à rien. Nos pauvres entreprises du BTP, elles n'arrivent à rien. On a besoin de régulariser, hein, vous comprenez, on a besoin de donner papier. Hein, voilà, hein. Puis en plus, c'est des gens tellement méritants, tellement courageux. Voilà. Il faut un contre-discours face à ça. Il faut une riposte. Et moi, j'attends cette riposte. Je suis d'accord quand même avec toi que ce discours aujourd'hui peut davantage être entendu, puisque le Rassemblement National, quoi qu'on en pense, fait surtout des bons scores, justement, dans les couches qu'on appelle populaires. Hein. Toutes les études sociologiques le prouvent. Alors, il est vrai qu'en effet, donc, avec ça, ça leur laisserait un boulevard s'ils tenaient ce discours clair, en effet. Et c'est toujours le même problème, c'est que, il ne frappe pas à fond, en fait. Il y a toujours, on dirait, une retenue, peut-être qu'elle est légitime, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport aux années 80, là, je suis d'accord, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, ça n'a pas été entendu dans les années 80, j'espère que ça le sera aujourd'hui, mais encore, voilà, encore faudrait-il que des gens le mettent en forme, de façon très très claire et très très lapidaire. Après, je pense que là, ça sera vraiment audible, parce qu'avec l'environnement inflationniste, la crise de la dette, importer le tiers-monde, pour sauver le patronat et l'État qui continue à taxer comme pas permis. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le nivellement par le bas en délocalisant le tiers-monde en France. C'est-à-dire qu'on a délocalisé les usines dans le tiers-monde et ce qui n'est pas délocalisable, c'est-à-dire les services in situ, eh bien, on délocalise le tiers-monde pour les encadrer. Et on nous explique que ça, c'est l'avenir. Ben non, c'est pas l'avenir. Non, c'est pas l'avenir. Comme la France a complètement saccagé son industrie pour n'être qu'une économie de service, en fait, avec l'immigration, ils ne veulent même pas uniquement avoir des larbins pour animer à pas cher cette industrie de service. Ils veulent aussi des consommateurs, c'est-à-dire des estomacs déracinés qui viennent de partout et qui consomment. Oui, quoi. Donc voilà. Le consommateur. Voilà, le consommateur est matérialiste à fond. Voilà, c'est ça. En fait, ils veulent des gens qui achètent des Nike, des iPhones, qui consomment, quoi, voilà, c'est tout. Mais ça, c'est pas un projet de société, ça, d'accord. Et en tout cas, ça nuit très certainement aux Français, enfin, à la classe active française. Et ça, il faut le mettre en forme. Bon, on verra si quelqu'un a la présence d'esprit de présenter ça de manière, dans un message pensé, rationalisé, et le porter sur le devant de la scène. Mais en tout cas, là, il y a un boulevard. D'autant que vous avez carré là en face, Macron, Darmanin, toute la clique, eux, ils ont déjà un discours. Hein. Ils ont calibré. Hein. Ils ont dit, voilà, on va avoir un discours pro-immigration et on va dire voilà, on en a besoin, hein, on en a besoin. Oui, non, mais rassurez-vous, c'est pas massif, mais on en a besoin, hein, voilà, vous comprenez, hein, voilà, les plaquistes, hein, les électriciens, voilà, ils ont besoin de gens, hein, vous comprenez, voilà. Bon, je sais pas si vous avez déjà vu un arabe poser quelque chose dans votre maison, mais c'est pas une expression. Oui, ça s'appelle du travail, d'où l'expression de travail d'arabe, hein, voilà, ouais. Qui est utilisé d'ailleurs même chez les arabes. Un de mes copains me l'avait dit quand j'étais à Saint-Louis et qu'il y avait beaucoup d'arabes en classe de maths-sup. Et un jour, moi, je lui avais dit comme ça, ben ça, c'est du travail arabe, parce que mon père qui venait d'Algérie le disait. Et puis je lui ai dit, oh, pardon, parce qu'il était là. Et puis, oh, il a réglé, il me dit, rassure-toi, au Maroc, quand c'est mal fait, on dit travail d'arabe. Ça m'avait surpris, mais comme quoi, eux le savaient très bien. Oui, non, mais c'est évident. Et en plus, au plan démographique, c'est lié. C'est-à-dire que si... Remarquez que l'expression « travail de nègre » n'existe pas. Oui, parce, oui, bah, oui, pour des parce raisons. Que c'est, bah, parce que c'est antinomique. Hein. C'est antinomique, donc, ouais. Bah, ça, voilà. Ça, c'est ce qu'avait dit Guerlain, tu sais. Oui, bah, oui, bah, dit, si tant est qu'un nègre a déjà travaillé. Oui, c'était un petit hommage, Charles. C'était un petit hommage. Le pauvre homme a été persécuté. Oui. Hein. Oh oui, oh oui, oui. Mais et j'en termine sur le. Sur, ensuite, on passe au courrier suivant, mais sur la démographie, la natalité. Si, enfin, la classe moyenne et la classe active française doivent le comprendre. Si elle accepte ce chantage de la bourgeoisie, de ce petit et de ce grand patronat qui veut lui imposer l'immigration de masse, notamment par la voie de Macron, mais aussi hein, les boomers, hein, aussi les boomers hein, qui veulent que leur retraite continue à tomber. Donc, plus il y a de larbin à bosser à pas cher, plus ils sont contents, puisque la France rembourse ses dettes vis-à-vis de ses créanciers, vous savez de qui je veux parler. Si on ferme les frontières et qu'on inverse le rapport de force économique et salarial en France, ça ouvrirait de nouvelles perspectives pour les familles françaises en termes de natalité. Si les ouvriers, les employés, les salariés français sont mieux rétribués pour leurs efforts, pour leur travail, leur perspective d'avenir est complètement différente. Et donc, ils ont plus confiance dans l'avenir et donc, ils veulent aussi faire plus d'enfants. C'est parce qu'ils sont découragés quant à leur avenir, qu'ils ont peur de l'avenir, qu'ils ne font pas d'enfants. Ça joue beaucoup. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Les Français sont surtaxés par une bourgeoisie vorace, par une banque juive vorace, par une génération de boomers vorace. Donc, ils ne font pas assez d'enfants. Et là, on vient leur dire, ah, bah, vous voyez, on manque de bras, donc on va en faire venir davantage d'Afrique. Ils viennent là, le niveau de vie continue de baisser, puisque on peut continuer à maintenir la pression vers le bas, ils font encore moins d'enfants, résultat, on leur dit, bah, on va en faire encore venir une nouvelle vague, vous allez voir, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc, je crois qu'il est très important... Ah, c'est sans fin, si vous voulez, on a un système économique qui... qui suppose, de finir suppose au Congo. Qu'il y a une population qui reste stable ou qui évolue, enfin qui ait une croissance positive. Voilà. Pour qu'il y ait une croissance économique, il faut qu'il y ait une croissance de la population. Ouais. Les boomers ont décidé que eux, ils voulaient se branler, quoi. Ils voulaient se passer leur existence à se faire plaisir, n'est-ce pas, hein, mais les enfants non, c'est dérangeant. Et puis maintenant les enfants font du CO2, hein. Les nègres ne font pas de CO2, mais les blancs pensent que leurs enfants vont faire que la planète va se transformer en cocotte minute. C'est une autre Yeah. Alors, messieurs, rubrique numéro 2, Éternègre, Cardinal, c'est votre domaine. Cette semaine, onde de choc, explosion en pleine assemblée, une bombe aurait probablement fait moins de dégâts. C'est la déclaration d'un député du Rassemblement National lorsque Carlos Bilongo a pris la parole, député de la France insoumise, mélenchoniste, à propos, vous savez, des navires affrétés par les ONG pro-migrants, type SOS Méditerranée, qui sont en attente d'un port européen où déverser leurs migrants, qu'ils ont été récupérés sur les côtes libyennes. Bon, c'est un vieux schéma maintenant qui dure depuis plus d'une décennie, largement éventé, hein, puisqu'on sait que en réalité, il n'y a aucune obligation pour les pays européens d'accepter ces populations. Oui, ce sont des bateaux qui vont près des côtes libyennes. C'est-à-dire oui, ouais, départ, voilà. Au départ, ça se passait au large. Depuis, tu as des bateaux, des navires qui sont là à scruter les côtes pour voir le. Enfin, pour se précipiter sur le moindre rafio, quoi. Hein. Voilà, le moindre. Le moindre canot. Oui. Donc, oui, viens, fais 300 mètres à la nage, on t'attend au bout de. Tu vois, voilà. C'est comme si, et ensuite, ils disent. Tu vas à la mer, tu vois, et puis t'as un bateau. Au bout des 300 mètres où t'as la bouée jaune, tu as un bateau qui t'attend, mais vas-y, viens en Europe, mon poulet, viens, vas-y. Exactement, ouais, c'est ça. C'est chez toi. Alors, J'allais dire, c'est le Uber Nigger, c'est-à-dire un service de transport Afrique-Europe. Ah non, mais c'est exactement ça. Donc en fait, il y a un détournement complet du droit maritime. C'est-à-dire, on dit, voilà, si vous êtes en détresse, on vous amène au port le plus proche. Enfin, c'est un détournement complet par les organisations de passeurs, bon, au service des intérêts financiers et économiques qu'on a justement précédemment décrits. Oui, enfin, des juifs. Georges Soros est quand même assez présent là-dedans depuis une dizaine d'années. Hein. Des juifs, bien évidemment. Juifs, disons-le. Mais pas que, parce que je tiens aussi à pointer du doigt le rôle des femmes blanches, terrifiant, non mais terrifiant de l'Église catholique dans ce système. Je veux dire, en Italie, l'Église catholique est devenue une énorme organisation de transfert de migrants clandestins vers le continent européen, avec la complicité, évidemment, bah, des grands intérêts financiers qui sont derrière. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est concrètement, hein, voilà, donc vous avez des migrants, des passeurs de migrants qui sont sur la côte libyenne, sur la terre ferme. Les nègres arrivent, ils payent, on les met sur des navires de fortune. Ils font quelques kilomètres à la dérive, ils ont des talkie-walkie, etc., tout ça est préparé. Ils lancent un appel à l'aide, arrivent ces navires affrétés par Soros, etc., qui viennent les récupérer et qui disent ensuite « Nous avons des personnes en détresse, nous avons besoin d'un port où les acheminer. » Sauf que nous sommes toujours au large de la Libye. Et bizarrement, ils vont que vers l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ne se précipitent pas vers le premier port à disposition, qui pourrait être un port libyen, qui pourrait être un port tunisien, qui pourrait être un port, je ne sais pas, de proximité. Non, ils remontent immédiatement vers le nord, ils se rapprochent de l'Italie, ils disent « Ah bah vous voyez, maintenant il faut nous prendre en charge. » Et en fait, tout le monde fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. La presse française fait semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Elle le comprend très bien, mais elle fait semblant de dire « Oui, mais au secours, mais comprenez la charité, le truc. » Non, c'est vraiment du transfert de population par le fait accompli au service d'intérêts économiques, financiers très clairs. Et là-dedans, en fait, les migrants, eux, ils viennent parce que bon, on leur dit « Bah oui, l'Eldorado européen, allez-y. » Bon, bah, eux, ils viennent, hein, il n'y aura pas de problème. Mais on les accompagne. Et en fait, on braque le fusil médiatique sur la tempe de l'opinion publique ouest européenne avec des mystifications, hein, comme voilà, on peut même pas les laisser se noyer, il y en a eu combien de morts, etc. Enfin, c'est aberrant, je veux dire, si vous laissez ce système se maintenir, forcément les types qui montent sur les rafios de fortune, dans le lot, il y en a qui meurent, ça c'est fatal. Vous arrêtez le flux, il y en a plus un qui monte sur un rafio. C'est la fin même automatique de ces morts-là, sauf quelques. Bah, j'ai envie de dire, le premier navire militaire Enfin, qui bon, à la limite, on les laisse dans les zones internationales, pourquoi pas, mais s'il y en a par miracle qui arrivait sur les eaux territoriales de l'Italie et qui se faisait qui se faisait trouer, hein. Il y en aurait un premier, puis il n'y en aurait pas un second. Exactement, oui, il faudrait utiliser la force. Moi, je vous le dis franchement, ces navires de provocateurs type Océan Viking, etc., auraient dû être coulés depuis longtemps. C'est évident. C'est une activité criminelle organisée, hein, dont les conséquences sont terrifiantes. Parce qu'ensuite, vous voyez toutes ces populations, ils sont en Europe, là, vous les voyez dans vos coins de rue, là. Parce que c'est une immigration qui est quand même sensiblement différente de l'immigration qu'on avait jadis, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'avant, on avait une immigration qui venait du bled algérien, mais qui utilisait des canaux assez bien balisés. Je veux dire, on savait d'où ils venaient, on savait comment ils arrivaient. Là, clairement, c'est l'anarchie. C'est-à-dire que ça vient de partout. Ça vient de Somalie, ça vient du Pakistan, d'Afghanistan, de Syrie, ça vient de Gambie. Ils arrivent de partout. Et ils passent par cette route-là, ils arrivent dans vos villes, et ensuite on vous dit « Ah bah désolé, oui, ils sont sous OQTF, on ne sait pas quoi faire ». Ah ouais, mais bon, déjà que gérer les Algériens, c'était difficile. Alors là, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Bon, bref. Je voudrais vous signaler quelque chose, c'est qu'en Afrique, justement, vous avez dit que s'ils se faisaient trouer, il y en avait, ça arrêterait rapidement le flux. Je vous signale qu'en Afrique, c'est un peu ce qui se passe. J'ai connu quelqu'un, je dirais pas son nom d'ailleurs, hein. Un jour, c'était du temps où j'habitais en fleurs. Et il m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et il m'a dit, je suis dans les farces et attrapes. D'abord, j'ai cru qu'il y avait un magasin de farce et attrape. Non, pas du tout. Ils constituaient des pièges humains que, en Afrique, notamment entre les pays, dans les pays où il y avait de l'immigration clandestine, notamment par les déserts, des pièges qui carrément tuaient les gens qui voulaient les franchir, des pièges électriques, etc. Et il m'a expliqué, justement, que dans des endroits où il y avait des gouvernements qui se plaignaient qu'il y avait de l'immigration illégale, eh bien on l'appelait, et il fixait ses pièges, alors c'était des fils électriques, etc. Enfin bon, je vous passe les détails, il m'avait donné plus, mais ça remonte à plus de 20 ans maintenant. Et donc, en Afrique, voilà, comme il me dit, ah ben non, ça se passe comme ça. Hein. Quand on veut plus d'immigration illégale, on fait appel à nous, et on pose des pièges, ça fait des morts, ouais. Et ça s'arrête. Hein. Il m'avait carrément dit, hein, il m'avait expliqué tout ça, c'était terrible, mais c'était, voilà comment il faut. Oui, enfin, c'est terrible. Oui, moi je. Oui, oui, on a une vision différente. Il est quand même à noter que ce bienfaiteur de l'humanité, hein, appelons-le comme ça, n'a certainement pas eu de légion d'honneur. Quoi. Un philanthrope. Ah non, non. D'ailleurs, il vivait en Espagne. Il avait quitté la France depuis longtemps. Oui, bah oui. Bah, écoutez, s'il est encore vivant, non, moi, je ne pense pas. Non, il avait été sur le front de l'Est avant. Ah oui, effectivement. Oui, en il tout avait cas, continué bah, un peu dans. Salut en sa mémoire et disons-lui merci. Mais attention, je termine juste, on est pour une minute. C'était un gars qui s'est retrouvé sur le front de l'Est après avoir voulu passer en Angleterre rejoindre De Gaulle. Et comme il n'avait pas pu et qu'il voulait d'aventure, ouais, il s'est retrouvé sur le front de l'Est. C'est un aventurier, d'accord, oui, c'est ça. C'était un aventurier en fait, avant tout. Donc, et sur le front de l'Est, il était dans un commando de détrousseurs de cadavres. C'est-à-dire qu'en fait, après les batailles, il cherchait sur les morts ennemis des papiers qui pouvaient donner des renseignements sur les positions, etc. Des trousseurs de cadavres, ça peut prêter à confusion, parce que ça pourrait croire qu'ils allaient choper les bagues ou les trucs. Mais c'est... Non, ils allaient choper les papiers. Alors, peut-être qu'en plus, ils chopaient les bagues et les montres, ça je ne sais pas, il n'a pas dit. Mais leur mission, c'était de choper les papiers pour essayer de reconstituer ou de savoir quelles étaient les intentions de l'ennemi, etc. Donc, et il me racontait que dans ces commandos qui étaient utilisés par l'Allemagne, eh bien, vous serez surpris, vous savez qu'est-ce qu'il y avait en majorité? Je te laisse dire, oui. Eh bien, c'était des tziganes, parce que question planque, etc., magouille. Et il me disait, moi, j'ai passé sur le front d'Est, j'étais entouré de tziganes. Il nous avait appris le maniement du couteau, parce qu'il me disait, quand on était dans les lignes ennemies, il n'était pas question d'utiliser une arme à feu. Et il m'a raconté des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, je lui ai dit un jour, mais vous ne voudriez pas écrire vos mémoires, c'est fantastique. Et il m'a dit, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai recueilli quelques-unes de ses confessions, mais c'est tout. Mais, donc voilà, en tous les cas, après, il travaille en Afrique. Dans les farces et attrapes, vous m'avez dit. C'est extraordinaire. Farces et attrapes africaines, hein. Il faut préciser, sinon on peut se tromper. Bah, vous avez remarqué qu'il y a eu en Afrique du Sud ces dernières années de très violentes émeutes anti-immigration entre noirs. Hein. C'est très sanglant, hein. Très très sanglant. Hein. Donc donc quand on voit les sentiments de bonne femme qui, alors c'est là qu'il faut mesurer le truc. Hein. On parlons un peu de l'affaire qui nous intéresse, c'est-à-dire que quand on sait tout ça, comment les Africains eux-mêmes d'abord règlent leurs comptes entre eux. Comment d'État à État, si jamais on peut appeler les États africains des États, mais comment les rapports entre différents gouvernements africains se règlent. Je parlais de l'Afrique du Sud où vraiment, quand il y a des problèmes d'immigration, ça se termine en émeute violente. Hein, je veux dire, ils s'assassinent, ils se tuent. Hein. Quand on sait tout ça, et quand on voit qu'un député français dit simplement, c'est marrant parce que ça, c'est un député noir. D'origine congolaise, hein. Carlos Bilongo est d'origine congolaise, vient essayer de pleurer parce que ses frères de race n'arrivent pas à envahir assez vite l'Europe qu'il veut voir à genoux, racialement. Il y a un député français qui dit, bah oui, mais bon, faut les renvoyer d'où ils viennent, dans une sens, quoi. Voilà, ils partent d'Afrique, renvoyons-les en Afrique. Ah oui, oui, il parle des bateaux, il parle du bateau, bien sûr. Oui, alors les bateaux alors, recherchés, alors, le bateau, il peut pas accoster en Europe, oui, mais le bateau qu'il retourne en Afrique, ça paraît logique. Oui, hein, mais... non, mais c'est, le, mais alors, même, alors comment dire, mais même ça, tu peux pas le dire, c'est-à-dire que l'état de castration et de terreur organisé par les médias est tel en Europe, par les immigrationnistes, donc par les juifs, bien sûr, mais par les marxistes aussi, qui sévissent dans les médias, il est tel que une phrase est considérée comme un crime contre l'humanité. C'est sidérant ce qui s'est passé. C'est absolument sidérant. Cette chose-là, de cet ordre-là, de crime contre l'humanité, puisque crime contre l'humanité est une notion qui est communautairement marquée. Hein, ça appartient à un peuple particulier. Et nous avons vu Éric Ciotti qui est sorti du bois pour condamner le député RN, effectivement, au nom du crime contre l'humanité, parce que l'humanité est bien comprise. Y a plusieurs choses. Alors, on va s'arrêter donc sur son propos. Alors, il y a eu un travail d'exégèse absolument hallucinant. C'est-à-dire que là, oui, on serait cru dans un concile. Hein, Alors, donc, il faut quand même voir. Il a dit qu'il avec un S ou qu'il sans S. Ah, voilà, non, mais il faut voir l'asile qu'est devenue la France. Il faut quand même réaliser ce qui se passe. C'est-à-dire que on est chez les fous. On est chez les fous. Hein. Donc, tu avais le Corbière avec sa gueule de simili maghrébin qui était en larmes dans l'Assemblée parce qu'il avait entendu qu'il retourne en Afrique. Alors d'abord, c'est très juste. C'est-à-dire que le nègre Bilongo doit bien évidemment retourner en République démocratique du Congo. C'est évident. Ça tombe sous le sens. Et là, le député RN, de mon point de vue, hein, aurait été fondé à lui dire « Retourne en Afrique !» Et j'ajoute « Sale nègre hein, !» Bien sûr, évidemment. Non mais ouais, voilà, moi je l'aurais dit. Pour le même prix. Surtout quand on voit le tarif prévu par l'Assemblée nationale, quitte à prendre 15 jours de vacances, moi je lui dis ça. Hein, je dis « Mais retourne en Afrique, sale nègre !» Vous voyez avec ma voix dans l'Assemblée. Ça aurait de l'allure quand même. Ça aurait de l'allure. Vous voyez Moi, j'attends le moment où tu seras député de la nation, de la grande nation. Je lui redonnerai du lustre. Ah, je lui redonnerai du lustre, hein, croyez-moi bien. Voilà. Mais alors là, ils feront. Ça va briller. Il y aurait des mesures réglementaires tellement terrifiantes que si tu veux. Alors là, si tu dis le mot nègre, là, tu seras pas si prolong. Il serait foutu de rétablir la peine de mort, rien que pour moi, je veux le croire. Bon, enfin bon. Ce serait d'abord le pilori, je pense. Oui, il y aurait certainement quelque chose comme ça. En place publique, d'abord, pour qu'on te crache à la figure, ensuite, il y aurait la corde comme le Christ. Mal réglée pour 20 minutes. Ouais, mais comme le Christ, ce serait finalement une belle mort. Mais ceci étant dit, donc, il y a eu ce truc d'exégèse terrifiant. C'est-à-dire, non, mais il a dit qu'il retourne. Alors, c'était hallucinant, parce qu'évidemment, qu'il au pluriel ou qu'il au. On ne peut pas le définir, c'est impossible, je veux dire. Donc, on ne peut pas, voilà. Mais ils nous ont quand même servi ça pendant 24 heures. C'est-à-dire, pendant 24 heures, ils ont essayé de faire vivre ce truc. Ils savaient que ça allait se dégonfler parce qu'on ne pouvait pas le prouver. Bon, ils ont quand même très la vache à à fond, pour terroriser tout le monde, pour scandaliser tout le monde, toutes les bonnes âmes étaient là, oh mais quand même, dire à un député nègre d'Afrique, de retourner en Afrique, mon Dieu, mais que... Bon, voilà, alors, imaginez la même scène dans l'Assemblée nationale il y a 50 ans. Bah déjà, vous n'en auriez pas une, parce qu'il n'y avait pas un nègre dans l'Assemblée nationale. Si, bah, oui, il y avait Félix Houphouët-Boigny, par exemple, ou Léopold Sédar Senghor. Du temps de la colonisation, et ils ont été renvoyés en Afrique. Donc, comme quoi, je veux dire il faut pas désespérer. Mais comment dire, donc ça a été la phase de délire collectif, c'est-à-dire l'exégèse du mot, a-t-il dit, a-t-il pas dit, etc. Et là, le bal des faux culs. Alors, bon, la gauche hurle, bon, voilà. Mais tu as raison de pointer du doigt le fait que... Alors, le pire, ça a été les Républicains, quand même. Ah ben, la droite dure, quoi. Hein, la droite dure. Éric Ciotti. Sur Instagram et sur Twitter, ils ont carrément fait le racisme décomplexé du RN. ce qui m'a beaucoup séduit, j'ai regardé les commentaires sous ces publications-là, quand même. Et alors, ils se sont pris des sauts de merde, je veux dire. C'est-à-dire que, l'air de rien, dans l'opinion publique française, il y a quand même une évolution. C'est-à-dire surtout, le public de Ciotti, si tu veux, c'est pas des gens qui ont envie que tu leur dises... Ils s'indignent sur le racisme, je veux bien le croire, oui. Ouais, c'est Ciotti, enfin, je sais pas. Est-ce que Ciotti insulte le gouvernement israélien quand il tire les ratons qui s'approchent un petit peu trop près de leur grillage? Je pose la question. Ah non. Éric Ciotti, il est avant tout attaché à la civilisation judéo-chrétienne et moins chrétienne qu'autre chose, en fait. Hein. Oui, borné aux frontières de l'État d'Israël, donc oui. Oui, bien compris, oui. Non, mais c'est la civilisation judéo-chrétienne, donc effectivement. Voilà. Alors, il y a Félix Bellamy, tu vois, il s'appelle Félix, quoi, qui a avec sa plume très bisexuelle, a essayé de séparer le bon grain de l'ivraie. Tu sais, j'aime bien les mecs, ils se prennent au sérieux. Tu sais, c'est qui ça, Bellamy? C'est un réactionnaire, il a pas voulu trop tirer sur le RN, donc il a dit oui, bien sûr, s'il avait dit aux députés que de retourner... François-Xavier Bellamy. Oui, j'ai dit Félix, Bellamy. Félix, bon, écoute. Oui, le chat. Aaron, peu importe. voilà. voilà. Bon, il a pas voulu, mais il était quand même mielleux, il était mielleux, quoi. Il était là, alors que moi qui voulais hurler le mot nègre dans l'assemblée, moi j'attendais que quelqu'un prenne fièrement position, comme le chevalier Bayard, voilà, s'avançant, hein, voilà, avec son épée, quoi, dire, mais jamais vous n'avez, bon, ben j'en étais pour mes frais, quoi. Donc, bon, voilà, mais bon. Là, je tire un peu sur Bellamy et tous ces demi-pédés, là, parce que ils sont mi-figue, mi-raisin. Généralement, ils sont surtout raisins. Tu vois ce que je veux dire? Même s'ils aiment les figues. Bon, bref, peu importe. Et voilà, et donc, c'était délirant. Donc, on a vu qui était qui. Et j'ai été très étonné, je dois le dire. Ben, le groupe RN s'est pas dégonflé. Oui, parce que bon, quand même, c'est... Non, mais intellectuellement, en plus, c'était défendable. Si on peut plus dire à un bateau de clandestins qui vient d'Afrique, qu'on veut l'envoyer en Afrique, bon, bah, à ce moment-là, autant se tirer une balle dans la tête. Oui, alors, j'ai cru comprendre que, bon, le Jordan Bardella, bon, maghrébin, hein, malheureusement, que voulez-vous, précise, parce que les gens ne sont pas au courant. Hein. Oui, toi, t'es informé, mais les gens ne le sont pas. À un grand-père ou une grand-mère, je crois que c'est un grand-père, je sais plus. Enfin, un grand-père. Un ou deux ascendants maghrébins, et puis bon, le reste, c'est d'Italie. Bon, il est pas. Bon, peu importe. Toujours est-il que le bureau national a été élu. Oui. Et j'ai eu la joie. Ouais, non, il faut préciser. C'est-à-dire qu'il y a eu. Marine Le Pen a cédé sa place de président du Front National. Une élection a eu cours pour désigner le nouveau président. Il fallait choisir entre Louis Alliot et Jordan Bardella. Louis Sultan Alliot, comme le dit Henri de Lascam. Louis Sultan. Pourquoi Sultan? Donc, parce que c'est le nom de sa mère. C'est Louis. C'est Louis Sultan. Oui. Donc on avait le choix entre un descendant de maghrébin musulman et un maghrébin juif. Donc, le moins pire l'a emporté, on va dire. Je prends le musulman. Hein. et super, des marinistes de la première heure ne sont plus au bureau national et ces marinistes sont assez... important de souligner, monsieur et madame Sivriwa Bild, qui sont en couple civil et qui font paraît-il des bruits de gorée, hein, quand on, il y a bruits de gorée qu'on égorge quand on passe devant chez eux. Parce que, ces gens sont en colocation, il y a des bruits de gorée égorgée quand, voilà, quand des choses se passent, bref. L'homophobie prend place, donc c'est un signe intéressant. Jordan Barnella a pour lui d'être hétérosexuel. Eh oui. Donc, et d'être un homme. Il a pu se placer là parce qu'il partage la couche d'une héritière Le Pen. C'est l'ancien régime. Hein. Mais bon, effectivement, il est hétérosexuel, c'est un homme. Deux qualités trop rares de nos jours en politique. Oui. Peut-être que des choses. Normalement, le député en question, là, il aurait dû être jeté sous les roues d'un bus. Ouais, normalement, Marine Le Pen aurait dit « J'ai rien à voir avec ce mec-là, je sais même pas qui l'a élu. » Tu vois, normalement, c'était ça qu'elle aurait dû dire. Dans la droite ligne du marinisme, c'était ça. C'est que, quoi, d'où il sort ce mec? Mais j'ai rien à voir avec lui. Et elle aurait probablement été manifestée avec Monsieur Bilongo. Et effectivement. Donc je crois qu'en fait, on l'entend plus. Elle a fermé ça. Enfin, moi, Elle a dit un minimum. Mais c'était service très, très, très minimum, hein, très minimum. Hein. Ouais. Mais pour dire que même sa réaction m'a étonné. Ça m'a surpris. Il y a des surprises heureuses qu'il faut noter. Et là, effectivement, déjà, donc, que monsieur et madame Bild, enfin, ou Briwa, tout dépend le sens dans lequel on prend la bestiole, ne sont plus dans les instances dirigeantes. Et donc il y a le fait que ce député qui a dit c'est une bonne idée ce qu'il a dit, n'ait pas été jeté sous les roues d'un bus ou pire d'un train, c'est pas non plus la panacée, mais c'est quand même quelque chose dont on peut se satisfaire. On a été tellement loin avec Louis Alliot et Marine Le Pen. A donné des médailles au Klarsfeld. Oh la saloperie. Il y a quelques jours. Ah, le sale juif. Sultan. Il voulait être calife à la place du calife. Exactement. Ils ont été tellement loin dans l'abaissement, l'avilissement face aux juifs et face à la presse juive, etc. Ça a été tellement loin. Que, voilà, bon, maintenant je ne sais pas ce qui va se passer avec Jordan Barnella qui reste. Bon, je veux dire, après. Peut-être le fond a-t-il été touché et que peut-être sommes-nous vers. Non, mais si tu mets un homme hétérosexuel, ça ne peut pas être chez Alliot. Ouais, non, mais. Ouais, et pas juif. Pas juif. Bah oui, parce que bon. Louis Alliot a bourriqué Marine Le Pen. Hein, bon. La médaille, enfin les Klarsfeld reçus en grande pompe par Louis Alliot. Ça donne des envies de. On sait que ça n'a pas eu lieu, mais on aimerait bien que. Voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement, oui. On aimerait voir la SNCF travailler. Donc, c'était la phase d'hystérie. Alors, je vais m'adresser un petit peu à Vincent. Pour prendre un peu son opinion là. Donc dans cette phase complètement délirante d'excitation collective où soudainement tout s'embrase parce que en fait un député du Rassemblement National dit à propos du navire qui a quitté les côtes africaines que le rôle des États européens est de le renvoyer vers l'Afrique plutôt qu'une nouvelle fois de l'accepter, les réactions hystériques dans l'Assemblée et dans les médias, qu'en retires-tu ? Oui, naturellement, et ça montre encore une fois que nous sommes dans un asile de fous. Nous sommes arrivés à un niveau de folie. Alors, je pense que si le peuple français maintenant ne comprend toujours pas, c'est à désespérer, mais je pense qu'il va comprendre. Je pense. Et personnellement, alors déjà pour parler de cette folie, dès que j'ai entendu parler de cette affaire, en Angleterre, par des échos, j'ai été voir le film, donc le compte-rendu de la séance filmée. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Et il était bien évident que le député du Rassemblement National parlait du navire. C'était vraiment clair comme de l'eau de roche. C'est-à-dire, il n'y aurait pas eu d'affaire de... Il n'y aurait pas eu l'hystérie derrière. On aurait présenté ça à n'importe quelle classe en disant qu'a voulu dire M. de Fournas là, 99% des élèves, pour ne pas dire 100%, on aurait dit mais non, il était question d'un bateau qui était en danger, il y avait un bulletin météo qui n'était pas bon, etc. Et M. de Fournas disait ben, qu'il retourne en Afrique. Il n'y avait là absolument rien de répréhensible. C'est un bateau qui ne peut pas, légalement parlant, accoster en Europe, et bien qu'il retourne en Afrique. C'était évident. Alors, ce qui a été, je crois, très révélateur aussi dans cette phase, c'est non seulement, voilà, comme vous avez bien dit, ces exégèses, qu'il retourne, singulier, pluriel, mais surtout, c'est toujours on fait un procès d'intention. Je vois encore cet élu de la France insoumise qui dit Monsieur de Fournas n'aurait certainement pas dit ça s'il s'était agi d'un député breton. Sous-entendu, donc il s'adressait en fait au noir, puisque en fait si ça avait été un breton, il n'aurait pas dit mais qu'est-ce que c'est que ces procès d'intention que l'on fait sans donner le droit à la personne de s'expliquer. Et ça, pour moi, c'est toujours ce qui qualifie un climat d'hystérie. C'est, on commence à hurler, on les voit, ils se mettent à hurler, là, comme des mamas italiennes, en levant les bras au ciel, terrible. Mais à aucun moment, quelqu'un dit, mais enfin, calmez-vous, monsieur de Fournas, là, vous avez dit une phrase, on comprend pas trop, là. Alors qu'elle était parfaitement compréhensible, mais on comprend pas trop, pourriez-vous expliquer ce que vous voulez dire là? Et il aurait dit, bah oui, je disais, est-ce que c'est un retour? Et normalement, la présidente ou le président de l'Assemblée aurait dû dire, l'incident est clos. Bon, ben, monsieur de Fournas estime que ce navire doit repartir là-bas. Il l'a dit de façon vive, peut-être, ça peut vous choquer, mais enfin, c'est bon, l'incident est clos. Mais non. Et on voit à ce moment-là, tous ces gens de l'extrême gauche qui provoquent un tumulte absolument illégitime et au lieu de les rappeler à l'ordre, je dis mais vous n'avez pas le droit de faire un tumulte comme ça, on est à l'Assemblée nationale, il y a souvent des gens qui interviennent, qui coupent la parole, c'est dans le jeu du parlementarisme, mais là non. Et ce sont finalement ceux qui créent le tumulte qui après obtiennent la victoire en obtenant l'expulsion de celui qu'ils n'aiment pas. Et c'est typique de ces méthodes où, par exemple, combien de fois on a vu ça, vous organisez une réunion avec un droit d'entrée peut-être même, l'extrême gauche arrive, dit non, nous on va tout casser. Et le préfet prend un arrêté en disant non, cette réunion n'aura pas lieu, parce qu'il a risque de trouble à l'ordre public. Oui. Et c'est scandaleux. Et ce qui est marrant, c'est que Hitler, dans Mein Kampf, le dénonçait déjà. Il dénonçait les communistes, donc les rouges, qui menaçaient les réunions du Parti National Socialiste, et les préfets de l'époque interdisaient les réunions du Parti National Socialiste au motif que ça allait faire un trouble de l'ordre public. Et bien, ça n'a jamais changé. Et c'est exactement ici ce qui s'est passé. On a des gens hystériques qui ne comprennent rien à rien, alors que la phrase était évidente, et au lieu de les rappeler à l'ordre, non, on leur donne raison. Alors ça, c'est vraiment, ça montre à quel point nous sommes dans un asile de fous. Pour mesurer un petit peu ce qui s'est passé, parce que je crois que c'est important pour les auditeurs de mesurer au plan constitutionnel, légal, ce qui est arrivé avec l'éviction qui a été décidée par la suite du député RN Grégoire de Fournas. Parce que finalement, les gens sont pas versés dans le droit, ils n'ont pas l'impression que c'est très important, etc. Je sais pas. Et ils se disent, bon, bah, en gros, il a été un petit peu comme à l'école, quoi. Il a été suspendu de l'établissement pendant 2 semaines, il revient après. C'est beaucoup plus lourd de signification que ça. Beaucoup plus lourd. L'Assemblée nationale, ça n'est pas une entreprise. Ça n'est pas un établissement scolaire, et la sanction qui est tombée contre Grégoire de Fournas est une sanction politique, mais aussi, et il faut le dire, une véritable attaque contre les institutions du régime républicain. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi on assiste, c'est le singe qui scie la branche sur laquelle il est assis. Alors, je vais citer un journaliste totalement lambda de la presse française, encarté, hein, qui a résumé la situation. Il s'appelle Charles Sapin, pas du tout proche de l'extrême droite, pas du tout, mais qui a simplement été rationnel. Il a utilisé sa raison. Donc, par rapport au troupeau hurlant, lui, il s'est cantonné au droit. Il s'est cantonné à la dimension politique, il a regardé ce qui s'est passé, et voici ce qu'il dit, dans une série de messages communiqués sur Twitter. « Il y a quelque chose d'ambigu, voire d'illogique, pour dire le moins, dans cette décision du bureau de l'Assemblée nationale à l'encontre du député RN Grégoire de Fournas, qui effectivement a été interdit de se présenter à l'Assemblée pendant 2 semaines. » Donc en fait, il est interdit de participer au processus législatif, en dépit du fait qu'il soit un député de la nation française. Pour motiver sa demande de sanction, il retient, donc le bureau, il retient comme motif la, je cite, « manifestation troublant l'ordre ou qui provoque une scène tumultueuse dans l'hémicycle ». Il aurait pu retenir au contraire la mise en cause personnelle qui interpelle un député, également prévue au règlement. Donc en fait, il dit, voilà, il est sanctionné comme ayant provoqué un trouble, et non pas pour avoir attaqué personnellement un député de manière inacceptable, alors que c'est pourtant prévu au règlement. Sauf que dans ce cas, dit le journaliste, l'accusation en racisme tombe. Ses propos, qu'il retourne en Afrique, peuvent être qualifiés d'insupportables, de choquants, de xénophobes, mais c'est de l'ordre du subjectif. Et surtout, l'hémicycle en a vu d'autres. Là où ça devient illogique, c'est du coup dans la sanction retenue. Censure avec 15 jours d'exclusion. La plus grave, n'ayant connu qu'un seul précédent depuis 1958. Alors, je tiens à préciser le précédent. Ça avait visé le député communiste Grémetz, en 2011, qui avait usé de violence physique contre d'autres députés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, pour une histoire de stationnement de véhicules. D'accord ? Donc, Grémetz, le député Grémetz, communiste, avait été sanctionné pour s'en être pris physiquement à d'autres députés. Ce qui n'est pas contestable, je veux dire, tout le monde le comprend. Donc c'était la seule fois où ça avait été employé, la sanction la plus grave. Et là, c'est la deuxième fois. Une sanction exemplaire, justifiée sur le caractère raciste de la sortie du député, avait été caractérisée par le bureau de l'Assemblée. Ce qu'il n'a pas fait, dit ce journaliste. Pour résumer, le bureau de l'Assemblée donne droit aux arguments du député RN, qui nie avoir interpellé le député LFI, donc en personne, mais, dans le même temps, le sanctionne comme s'il l'avait fait. Curieux. conclut le journaliste. Eh bien, c'est toute l'ampleur du problème. Parce que ce que nous voyons, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale, en fait, a reconnu par la qualification des faits que Grégoire de Fournas n'avait pas interpellé le député en personne en lui disant « retourne en Afrique ». Le bureau de l'Assemblée nationale a admis qu'en fait, il parlait bien du bateau et que cette déclaration a suscité un tumulte, ce qui est complètement subjectif. Et on a utilisé la sanction la plus dure pour le chasser. Donc il est admis par la décision du bureau de l'Assemblée nationale, composé, je le rappelle, d'ennemis politiques, macronistes et mélenchonistes, que, en fait, c'est le propos que ce navire retourne en Afrique qui est ciblé. Et ça intègre aussi les Républicains. Or, raisonnons trois secondes sur cette déclaration, puisqu'il y a un consensus qui a émergé. Le député Grégoire de Fournas a dit, à propos d'un navire affrétant des immigrés clandestins voulant violer les frontières de l'espace Schengen, de renvoyer ce navire à son port d'origine, c'est-à-dire d'appliquer la loi. Et parce qu'il a appelé à appliquer la loi en vigueur, il est sanctionné. Parce que ça touche à un domaine politique. Donc en fait, l'Assemblée nationale interdit à un député de la nation française de siéger parce qu'il a appelé à faire appliquer la loi. Pourquoi ? Parce que le non-dit prend le pas sur l'écrit, la loi écrite. Quel est le non-dit ? Immigration totale. Immigration totale. C'est le programme, c'est le projet, vous le savez tous, on le sait tous. Mais c'est non écrit. Et le non écrit prend le pas sur l'écrit. Donc, les partisans de l'immigration totale escamotent un procès politique en pleine assemblée, chassent un représentant de la nation qui a défendu non seulement la loi, mais son droit à exprimer une opinion. Donc c'est deux choses, c'est non seulement son opinion, mais en plus l'application stricte du droit, et on le chasse. Ça veut dire que l'Assemblée n'a plus lieu d'être. L'Assemblée n'a plus lieu d'être. L'Assemblée a cessé d'exister. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le fait du prince l'emporte. Le fait du prince l'emporte. Eh bien, pour ma part, je pense que tu vises juste, mais je voudrais simplement, pour mon cas, développer un petit peu, parce que je pense que mon cas est proche de celui de beaucoup de gens, c'est-à-dire que, tu vois, t'as très bien développé sur l'Assemblée nationale, qui devient inutile, mais c'est-à-dire que beaucoup de gens, je pense, voyaient déjà ça comme quelque chose d'inutile, une sorte de poulailler, mais qui donnait pas d'œufs, c'est-à-dire que ça braille beaucoup, ça sert à rien, du coup, et ça ne produit que de la merde. Et où on voyait tout un théâtre que t'as bien dit avec Corbière, etc., se développer. Et au final, ce qui m'a un petit peu réveillé, justement, c'est quand tu vois tout ce fameux arc républicain avec les médias qui monte cette affaire à un point où on se demande quand même pourquoi, on se dit qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Et tu l'as bien dit, c'est-à-dire que ils sont pas sûrs de leurs appuis, ils sont en train d'essayer de contrôler la situation, parce que le projet, au final, et ça va recouper un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il y a une sorte de guerre raciale à outrance contre les Blancs. C'est-à-dire la guerre raciale à outrance, elle est d'abord idéologique avec cette affaire. On voit très bien sur cette affaire, comme vous l'avez bien dit, on n'a pas le droit de critiquer l'immigration dont on a besoin, etc. Et elle est aussi pratique parce que, en face de ça, on met un plan de régularisation massive des migrants. Donc je pense que vraiment, tu l'as bien analysé, mais c'est le cœur de tout ça. C'est-à-dire que là, on est sur un assaut organisé et global contre toute critique face au projet qui nous attend et qui attend malheureusement la population autochtone. Ah oui, là c'est l'interdiction de toute opposition, hein. Là c'est ce que ça veut dire, hein, pour parler clair, hein. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous opposer à l'immigration illégale, c'est-à-dire c'est... Faut mesurer le truc, hein. Je veux dire, c'est un navire affrété donc par les lobbies qu'on sait avec uniquement des clandestins. C'est une imposture de A à Z. Et quand un député dit mais renvoyez-le d'où il vient, renvoyez-le vers la... il est viré de l'Assemblée. Enfin, je veux dire, mais là, si vous voulez, c'est comme l'affaire Lola. Ça devrait susciter ça justifie une révolution en soi. Hein, je suis désolé. Hein, moi, je vois pas comment appeler ça autrement. Vincent. Alors justement. Ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que ça justifie quand même l'action et l'existence du Rassemblement National. Je ne suis pas pro-Rassemblement National, je ne vote pas, de toute façon je ne vote pas du tout, mais je ne vote pas Rassemblement National, mais j'ai toujours été un peu gêné par ces gens qui sont partis tous en guerre, en disant « Marine Le Pen, c'est une traîtresse, scandale, c'est une serpillière, ce parti, ça vaut rien », et qui ont frappé à bras raccourcis sur le Rassemblement National. Moi, personnellement, je suis jamais parti en guerre contre le Rassemblement National, et j'ai toujours dit aux gens « Si vous voulez voter Rassemblement National, votez pour le Rassemblement National. » Et là, on voit, l'intérêt, parce que quoi qu'on pense du Rassemblement National, sa présence dans l'hémicycle, c'est-à-dire sa participation au jeu démocratique, se trouve avoir une utilité. Elle n'a pas d'utilité dans le processus de l'Assemblée nationale, mais elle a son utilité par le scandale qu'elle crée là. Car vous l'avez bien dit, l'un comme l'autre, nous voyons qu'on veut nous imposer un projet d'immigration et que toute opposition est désormais totalement interdite, voilà, même quand elle n'est qu'un rappel à la loi. Donc on nous dit, il y a un projet, enfin on ne nous le dit pas, mais tout le monde le sent, on veut amener des immigrés chez nous, contre la loi, et quand un député dit, mais attendez, là, ce navire, mais c'est qu'un cas particulier, c'est comme l'affaire Lola, c'est qu'un cas particulier, mais qui c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand il rappelle à la loi, on le vire. Et donc là, le RN montre toute son utilité à l'intérieur quand même du jeu démocratique. Ça, c'était ce que je tenais à dire. Bien qu'encore une fois, moi, je ne suis pas du tout encarté au RN ni rien. Mais c'est la preuve qu'il faut pas, il ne faut pas, surtout dans nos milieux, partir en guerre contre des gens. Il y a des gens qui jouent le jeu de la République, de la démocratie. Le RN en fait partie. C'est pas mon truc. Mais n'empêche qu'il ne faut pas partir en guerre contre eux parce que ils adoptent une autre stratégie qui peut être complémentaire à la nôtre et qui peut apporter à des moments des plus. Et là, voilà, c'est une victoire éclatante. Parce que qu'est-ce qui se passe globalement? Voilà, il y a un noir à l'Assemblée qui nous dit non, ce navire, il faut quand même l'accepter. Il y a un blanc qui dit non, c'est pas légal, renvoyez-le d'où il vient. Le blanc est viré. Là, voilà, là c'est apparu, la vérité est apparue toute nue, elle est sortie du puits toute nue, maintenant on le voit, et ces gens après nous pondent, enfin nous sont hystériques, et on arrive à une sanction alors que c'était vraiment pas lui qui était à le sanctionner, et comme ce journaliste, et tu l'as bien expliqué, Gandalf, c'était totalement irraisonnable, enfin non raisonnable, pardon, illogique, etc. Et alors, il y a une dernière chose que je voudrais dire, c'est que, et là, on va dire c'est votre dada, Renoir, mais oui, bien sûr. Mais interrogé à la télévision, là, le collègue de Georges, c'est Georges de Fournas, oui, ou Grégoire, je ne sais plus. Ça s'appelle Grégoire de Fournas. Voilà. Donc interrogé à la télévision, le collègue de Grégoire de Fournas, Laurent Jacobelli, il a dénoncé justement cette gauche morale, relayée d'ailleurs par une droite complètement à la ramasse, c'est lui qui le dit. Qui dit ce qu'on a le droit de penser et ce qu'on n'a pas le droit de penser. Et il ajoute, critiquer l'immigration clandestine, c'est être raciste. Critiquer les vagues migratoires qui arrivent en France et qui mettent en danger notre économie, notre système social et notre sécurité, c'est être raciste. Non, dit-il, c'est simplement du bon sens. Voilà ce que rappelle Jacobelli sur le plateau de télévision où il est interrogé. Il passe plutôt en procès par les journalistes. Mais bon, Il rappelle, il dit voilà, c'est du bon sens ce qu'on est en train de dire, nous. C'est vrai, monsieur Jacobelli, mais ce bon sens, depuis le jugement de Nuremberg, il est interdit aux Européens. Et je lui conseille de relire le fameux livre de Maurice Bardèche, et notamment, pas tout, mais notamment les pages 55 et 56 du livre de Maurice Bardèche, Nuremberg ou la Terre Promise. C'était en 1948, hein, c'est pas d'hier. Et c'était 2 ans après la pendaison des principaux dignitaires nationaux-socialistes. Et qu'est-ce qu'écrit Maurice Bardèche à l'époque? Ça tient en 6 lignes. Il prévient les Européens. Il dit « La condamnation du Parti national-socialiste va beaucoup plus loin qu'elle n'en a l'air. Ce n'est pas les Allemands seulement, c'est nous tous qui sommes dépossédés. Nul n'a plus le droit de s'asseoir dans son champ et de dire « Cette terre est à moi ». Nul n'a plus le droit de se lever dans la cité et de dire « Nous sommes les anciens, nous avons bâti les maisons de cette ville ». Que celui qui ne veut pas obéir aux lois sorte de chez moi. Aujourd'hui, concluait Bardèche, ces bases certaines de la vie politique sont frappées d'anathème, car ces vérités constituent le programme d'un parti raciste condamné par le tribunal de l'humanité. Il écrivait ça en 1947. Il avait prévu les conséquences catastrophiques de la condamnation du Parti national socialiste par le jugement, par le tribunal de Nuremberg. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée, ce n'est qu'une conséquence de ça. Voilà un homme qui dit ils n'ont pas le droit d'entrer, c'est pas légal, ils n'ont pas le droit d'arriver chez nous. Eh bien, on lui dit non, toi le blanc, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit. Parce qu'on sait où ça a mené. Et voilà pourquoi on en revient toujours à ce problème de la Seconde Guerre mondiale qui est capital. Et je suis navré, hélas, que les gens du RN, qui ont encore une fois leur utilité, ils viennent de le démontrer, se désolidarisent trop souvent des révisionnistes. Voilà ce que je voulais dire en plus, mais cette affaire, pour moi, est extraordinaire. Je tiens à souligner un point intéressant, d'ailleurs, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale est Brown Pivet, une juive. Juive. Qui revendique fièrement... On la connaît depuis une certaine année. Oui. Je suis de tsunami. Elle n'aime pas le site démocratie participative. Je ne pense pas. Non, elle l'a dit. Hein, elle en a fait part. Hein, ce récit. Tu le lui rends bien. Oui. Elle s'est exprimée. Elle s'est exprimée sur la qualité pourtant irréprochable de nos articles. Tu as raison d'en venir au fond. L'utilité ou pas du RN, alors chacun peut avoir son point de vue, même l'utilité ou pas de la démocratie, etc. Ça nous enverrait sur notre discussion, qui serait très intéressante, qu'on a déjà eue un petit peu, ou même beaucoup auparavant, mais restons simplement sur le sujet d'aujourd'hui. Il faut quand même comprendre que y a un point sur l'attitude du Rassemblement national qui est très intéressante. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, la détestation du Rassemblement national est due à Marine Le Pen, en fait. Donc, en fait, les gens, ils votent RN, etc. Mais bon, les gens, ils votent un peu ce qu'ils ont sous la main. Ça, c'est une chose. Mais la détestation profonde, je veux dire, vis-à-vis de la personne de Marine Le Pen, j'allais dire dans les gens qui sont militants, s'explique parce que justement, elle se précipitait vers les lignes ennemies. C'était ça le problème. Et c'était un pensé par Louis Alliot, au nom de la fameuse dédiabolisation, qui était une stupidité stratégique sans nom. Passer pour le crétin de service en caricaturant sa position, c'est sûr que ce n'est pas recherché, mais de là à céder absolument surtout à la moindre injonction des juifs ou du système, c'est autre chose. Or, Louis Alliot exigeait que le Rassemblement national cède surtout à la moindre injonction. Et là, ce qu'on a vu, il y a eu un point d'inflexion. Alors, on ne sait pas si c'est simplement le fait des circonstances ou pas, mais il n'y a pas eu ce phénomène de ramper. Les députés ne sont pas débandés, ils n'ont pas dit non, c'est ce que oulala, vous nous avez mal compris, etc. Oui, non, mais ça c'est un mouton noir, il y a une erreur, etc. Bon, ils ont quand même globalement tenu leur position et même Marine Le Pen, encore une fois, n'a pas outrageusement jeté sous le train son propre député. Donc en fait, ils ont fait ce pourquoi normalement ils sont censés être là, hein, tout simplement. Bon, donc c'est ça qui change beaucoup, parce que d'habitude en fait il suffit qu'un journaliste de gauche gueule et ils disent ah bon on s'excuse. Donc évidemment là quelle fonction ont-ils? Bon, et du coup, et ça c'est très intéressant. En fait, pourquoi le calme prévaut en France? Bah, c'est parce qu'il n'y a pas d'opposition, on est d'accord. Les Blancs, ils ne se défendent pas en France aujourd'hui. Il n'y a pas de défense organisée face à l'invasion. Il n'y en a pas. Donc les Blancs se laissent faire. Ils subissent. Ils s'écrasent. Ils se taisent. Voilà. Ils font des marches blanches. Ils posent des bougies. Bon. Et du coup, bah, tant qu'ils encaissent les coups en fermant leur gueule, bah oui, le calme entre guillemets prévaut, c'est-à-dire qu'il y a des morts mais le calme prévaut. Et là, bah, sur ce coup précis, le député il s'est pas excusé, il a dit oui j'ai adressé un courrier au député en question, s'il a cru que je m'étais adressé à lui, c'est-à-dire bon ok on comprend, mais il a pas dit bon je regrette mes propos, on devrait accueillir le bateau, vous comprenez, donc il s'est pas dédié sur le fond. Et en fait en exprimant une forme de résistance, tout de suite la température monte de manière exponentielle. C'est que là, tout d'un coup, c'est fini l'ambiance mollassonne, etc. Là, on sort les couteaux. Non seulement au niveau institutionnel, mais au niveau médiatique, et surtout, les nègres. On oublie de faire semblant. Là, je regarde les menaces qu'a subies Grégoire de Fournasse, qui avait posté sur les réseaux sociaux, sur son compte personnel, qui est un compte confidentiel, je veux dire, des photos de sa famille, et notamment de son enfant, qui a un an, c'est une petite fille qui est née, qui a un an, et donc il a, bah, évidemment, a raison, publié la photo, puisqu'il est très fier d'être papa, et on le comprend. Et alors, ça a été un déferlement de haine raciale et d'appel à la violence par des nègres absolument désinhibés qui résident sur le territoire français. Enfin, excuse-moi, Gandalf, as-tu déjà rencontré un nègre inhibé? Non, mais là, ils sont particulièrement désinhibés, ils sont plus que d'habitude. Alors, je vous donne des extraits. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont soif de justice sociale. Ouais, exactement. Alors, ce qui ne suscite ne suscite aucune indignation nulle part, je veux dire. Écoutez le contenu. Si, alors ça, c'est on le trouve sous les photos d'une gamine de 1 an. Je vous invite quand même à méditer là-dessus. Hein. Va prendre un plaisir, donc la gamine, hein, c'est même pas un gamin, c'est un bébé. Va prendre un plaisir de kiffer les bangalas, donc des pénis en argot congolais, bien noirs, bien veineux. Donc les nègres congolais présents sur le territoire français, sous le compte du député Grégoire de Fournasse, appellent à violer racialement un nourrisson d'un an. Pour motivation raciale. Que fout le procureur de la République? Il dort? Il a un numéro de téléphone? Il est en vacances? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, si l'on ne considère pas les nègres faisant partie de l'humanité, est-ce qu'appeler à s'en servir comme mais, est-ce que c'est un appel au cannibalisme ou pas? Bah, je sais pas, mais si c'est la réciproque est valable, je veux dire, Moi, pourquoi pas, écoutez, Bah, écoute, si les nègres ont carte blanche, visiblement, de la part de la République, d'appeler à violer des nourrissons de députés français qui appellent à faire respecter la loi, bon, à ce moment-là, il y a carte blanche pour tout le monde. Moi, je souhaite que le soit remise en cause la qualité, le qualificatif d'humanité à ces créatures qui sont certes dotées de certaines paroles. Et bah, enfin, et du coup, on les classe dans la faune alors à ce moment-là, hein? Bah, bien sûr. Bah, oui, faune nuisible, catégorie nuisible. Bah, les Chinois construisent des grands immeubles pour faire des élevages de cochons. Je sais pas si tu as vu, c'est assez formidable, hein, comme entreprise. Les Chinois aiment beaucoup le cochon. Ils font Mais nous avons déjà ces immeubles qui sont remplis de nègres. Donc l'élevage est prêt. Bon, il y a des conduites. Moi, je sais qu'on pourrait faire passer beaucoup de choses par les conduites. Alors, d'autres déclarations. Mais oui, sous le compte, toujours sur le compte de Grégoire de Fournas et sa fille, des enfants de putain, notamment, oui. Alors, elle est née chez les porcs. Alors, ça va vous faire aimer l'islam. Inch'Allah, qu'elle se marie avec un musulman. Oui, ça nous fait voyager. Donc, c'est juste pour vous faire prendre un peu l'ambiance. Il n'y a pas de réaction. Hein. Donc, comparer ces déclarations ultra-violentes, on dit toujours, mais la violence sur les réseaux sociaux, les menaces, le harcèlement, quand ça va s'arrêter, là, vous avez des trucs, c'est ouvert. Contre un député français, je veux dire. Hein, parce que, comment dirait l'autre, la juive Brown Pivet, s'était plainte du fait que certains avaient remarqué... une continuité historique. C'est le silence radio. Je sais pas. À réfléchir. Hein. Mais si tu me permets, Gandalf, au-delà de ça, justement, je pense que ça permet en fait de casser complètement le discours de la gauche, c'est-à-dire un discours basé sur le pathos en disant « oui, voilà, les pauvres, il faut les accueillir ». Et en fait, ils nous ont fait tout un cinéma comme ça, les pleurs de Corbière, Mélenchon, etc. Et au-delà de ça, on voit très bien les réactions justement des intéressés, comme tu viens de le dire. Oui, donc en fait, oui, voilà, et ça permet d'ouvrir les yeux aux gens qui vont se dire « non mais attendez, on demande d'accueillir ces gens-là, non mais ça peut pas être possible, ça, c'est pas possible ». Mélenchon a fait son numéro à la sortie de l'Assemblée nationale, ils ont organisé une manifestation en soutien donc à Bilongo, au Congolais Bilongo. Bilongo, excusez-moi, je me suis absenté quelques minutes, mais... Oui. Je note quand même, bon, je t'en ai parlé oui, avant l'émission. Oui, oui, oui. Sa Majesté, Monseigneur Bilongo, oui. porte. Ça sonne bien, ça, Monseigneur. Porte de fortes importantes lunettes. Fortes importantes lunettes sur sa tête. Et ma foi, quand on regarde quand il tourne sa tête par rapport à la caméra, etc. On a du mal à voir une distorsion du verre sur le reste. Donc, je soupçonne fortement M. Bilongo de turamisme, d'être atteint de turamisme radical. C'est-à-dire? Voilà, de porter des gigantesques lunettes, là comme, hein, de porter un costard avec une cravate et de porter des gigantesques lunettes pour subjuguer le couillon blanc, hein, et même même pour lui, c'est pour sa famille, tu es député, tu dois porter des lunettes, hein, petit là, tu es député là, tu ne portes pas de lunettes là, qu'est-ce que c'est là, hein, bon, c'est Eddie Malou présentement. Qui explique que la lunetissos, avec la vision en profondeur, explique tout de la députation du peuple français. Voilà. C'est ça. Je pense qu'effectivement, il y a une exégèse à faire sur les lunettes. Si ce n'est lui, c'est sa famille qui a dit, mais tu ne peux pas aller à l'Assemblée là, si tu sans n'as lunettes, pas de lunettes. Tu ne sais pas plus au sérieux là. Ce n'est pas possible, hein. Ce n'est pas possible, hein. Maman, regarde, j'ai acheté des lunettes. Mais elles sont particulièrement grosses. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et puis j'ai regardé, tiens quand même. Mais tu auras observé. J'ai beaucoup de mal à avoir une distorsion. Bon, tu vois, oui, rappelez-vous le golem, là, Gaspard VI, là, le type qui applaudissait les soignants sur BFM TV. Le type, quand il avait ses lunettes, on voyait ses yeux, c'était des phares, quoi. C'était des Des phares de bateau, tu vois, le truc. Ouais, c'est des cul-de-boc. Non, des cul-de-boc, tu veux dire. Ouais. Oui. Mais là, en fait, non, c'est des verres qui servent à rien, quoi. Il n'y aurait pas de verres, ça serait pareil. Oui, ouais, c'est des verres qui servent à. Oui. Vincent, pour revenir aux injures. Oui. Pour revenir aux injures, moi, quand j'étais en prison, j'avais reçu du courrier hyper injurieux qui souhaitait la mort de mes enfants. Des gens qui disaient on espère que vos enfants sont gazés. Eh bien, ça venait du Jourdain peut-être. Est-ce que ça venait de gens qui étaient d'origine juive? Je te pose la question, Vincent. Bah, c'était anonyme, de toute façon, c'était courageux. Oh non, pas tellement. Il faut savoir que le directeur lui-même s'était déplacé. Pour s'excuser. Il m'avait apporté les lettres en personne, le directeur, en me disant si vous y répondez, mais de toute façon c'était anonyme, mais. Si vous y répondez ou si vous mettez un communiqué, on ne sortira pas, ce sera interdit. Vous ne devez pas répondre. De toute façon, je l'avais rassuré en disant Monsieur le directeur, je ne réponds pas à ce genre de tranche. Pourquoi pas répondre pourquoi il ne voulait pas répondre? Mais il s'était déplacé en personne tellement que les lettres étaient violentes. Ah. Non, mais oui. Enfin, oui, normalement, quelque chose comme ça, effectivement, ça sent le séfarade. Oui, pour le gazage. Là, par contre, ce dont on parlait avant, hein, les attaques contre les enfants de violeurs de fournaces, là, ça sent vraiment le Congo, hein, pour le coup. Hein, c'est le Congo, la machette. La France profonde, quoi. La France profonde. Oui, voilà, la France profonde d'Adama Traoré, hein, effectivement. Là, qui... Mediapart, moi, je n'ai... Justice pour Adama. Ah, putain, ouais. Justice pour Adama. Justice pour Adama, ouais, toute sa famille. Justice pour Adama est un ministère à part entière. Hein. Mais moi, avec le temps, je deviens mauvais. Qu'en Afrique, hein, où y a les viols sont tellement sévères en cas de guerre que ça défonce complètement les victimes. Hein. Je rentre pas dans les détails, mais moi j'avais lu des rapports de médecins du monde. C'était abominable, hein, comment les femmes ressortaient des viols. Quand elles ressortent, poisons qui étaient démoncés, c'était atroce. Mais là c'est les nègres, hein, c'est les nègres. Non, alors... ils ont des trucs. Bon, bah, après, il y a du bon, hein, chez les nègres. Moi, Les pneus. Les pneus. Ouais. C'est quand même. C'est bien. Moi, voilà, j'ai connu ça, si tu veux. Je sais, il y avait un type, il sortait, mec, il sortait de, enfin, bon, déjà, hôpital psychiatrique chez les nègres. C'est te dire le pédigré du mec. Donc il sortait. Tu nous parles de ton expérience africaine. Hein, tu nous dis, voilà, j'étais en Afrique. Voilà. Oui. Non, il faut préciser parce que ça ne sort pas. Ouais. Donc le type sortait, puis d'un coup, il sortait nulle part d'un buisson, il découpait quelqu'un à la machette, et puis bah, il s'en allait. Et puis bon, finalement, ils l'ont attrapé. Et quand ils l'ont attrapé, ils l'ont attaché. Ils sont allés séquestrer les flics d'abord. Hein. Ils sont allés faire en sorte que les flics ne sortent pas. Là, oui. Oui. Bah oui, bien sûr. Ils sont allés séquestrer les flics. Hein, donc, t'avais une équipe qui séquestrait les flics. Et puis le gars, ils l'ont pris. Et puis pneu, quoi. Et puis voilà. Le pneu, c'est bien. Voilà, moi je. Puis c'est économique. Alors que là, mademoiselle, je sais pas quoi, mademoiselle. Ouria, appelons-la Ouria du Maroc, qui a découpé la petite Lola, elle a eu droit à avoir un rendez-vous avec une association contre la détention provisoire et pour les aménagements de peine. Hein. Alors que bon, on a quand même quelque chose dans la civilisation occidentale qui s'appelle le pneu. Le pneu est ça marche. Mais moi je suis d'accord avec ça. Le pneu, c'est une invention, voilà, il faut quand même se caoutchouc. La vulcanisation. Moi je suis pour la vulcanisation des criminels. Vulcanisons les nègres. Voilà, vulcanisons les criminels, vulcanisons les criminels, enfin les criminels. Publiquement. Oui. La vulcanisation, voilà. Vulcanisons à tout va. Alors, Mélenchon au pied de l'Assemblée, s'est scandalisé. Il a dit ceci, et moi j'étais très étonné de ses propos. Je suis né en Afrique, personne ne m'a jamais demandé d'y retourner. Alors là, moi je l'ai... Alors, je sais alors pas, Jean-Luc Mélenchon ne m'a pas rencontré. Jean-Luc, casse-toi en Afrique. Retourne au Maroc, espèce d'enculé. Voilà. Bon. Ah, voilà. Mais t'as oublié le traité d'espagnol. T'as oublié le traité d'espagnol aussi. C'est bizarre, ça. Hein? Quoi, pardon? T'as oublié le traité d'espagnol. Jean-Luc Mélenchon, espèce de pourriture ibérique, rouge, dégage tes sales pattes de ma terre, dégage tes sales pattes de mon pays. Ouais. Mais en plus, c'est ce qu'il va faire. Hein. On sait très bien qu'une fois qu'il sera en retraite, il va aller se casser au Maroc, se l'adorer. Hein. On le sait, ça. Hein. Ouais, bah, évidemment. Hein. Ah, il a un goût particulier pour une certaine population féminine. Il a déjà un harem en France à ce propos. Oui, mais quand il avait dit qu'il voulait pas être entouré de blancs, quoi, c'est quoi, c'est. Ah oui, les blancs, ça lui donnait la. Il avait des palpitations quand il voyait des blancs. Mais c'est raciste ou quoi? Comment ça marche? Je veux dire, du coup, il faut. Ah non, c'est républicain. C'est les valeurs de la République. Ne confonds pas, Charles. C'est pas pareil. Mais non, mais que le Grand Orient m'invite dans une loge pour m'informer. Moi, je suis pas au courant de tout aussi. Hein, j'ai besoin de cours, j'ai besoin d'apprendre. Ah là là. Comment dire alors, du coup, toujours au pied de l'Assemblée nationale, quand il y a eu cette espèce de rassemblement de gauchistes avec toute la bande de la France insoumise, il y avait quelques députés du RN. Donc, il y a notamment un député, Tanguy s'appelle ce député-là. Il est homosexuel, c'est très très visible, parce que bon, il est très maniéré, hein, bon, là on peut pas tellement faire. Ah, il a des problèmes de glandes. Ouais. Par contre, il est quand même très efficace sur ses dossiers, parce qu'il est, il travaille en fait, c'est un mec qui a l'air assez, il est au taquet quoi, hein. Il est au taquet, il est fait vraiment chier en face, parce qu'il y a beaucoup de mecs, c'est parmi les députés RN, bon, ils sont pas. C'est pas des flèches. Mais alors lui, par contre, il connaît ses dossiers. Il les fait vraiment chier en séance. C'est assez marrant à observer. Et alors, bon, il rejoint l'Assemblée, quoi. Il va... Enfin, il se rend à l'Assemblée, quoi. Et là, il y a des nègres. Mais alors... Mais ils sont noirs. Mais noirs comme du charbon. Ah, c'est le... Vous avez fait cuire des merguez. Eh ben, le résultat... Eh ben, c'est pareil. Hein? Putain, ils arrivent. Des grands... Vous savez, des grands noirs comme ils sont... Je sais pas quelle ethnie c'était, tu vois. Mais alors, attention, hein, il venait de son Afrique, mais entre temps, il avait eu le temps d'amasser de l'argent, hein, parce qu'il avait son petit manteau, son petit truc. Il était là, monsieur. Alors, il dit ceci, hein, vous n'avez pas honte d'insulter des millions de gens, des millions de gens. Qu'est-ce que les Noirs ont fait à la France? Vous n'avez pas honte d'insulter des millions de gens ici en France. Qu'est-ce que les Noirs ont fait à la France? Vous êtes en Afrique et vous faites n'importe quoi là-bas, oui, et vous n'entendez aucun Africain insulter les Français. Pourquoi? Parce qu'on respecte les Français, nous, et on ne respecte pas le gouvernement français et les racistes qui sont à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas honte? Et là, le député RN, il s'engouffre dans une porte, quoi. Et il va pas à la confrontation, quoi, mais... Le singe, il va physiquement au contact. Hein. Il y avait les caméras tout autour et tout ça. Enfin, c'était assez incroyable. Et donc, en fait, tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire qu'on est dans une situation en France où le député a dit ce qu'il a dit. C'est-à-dire, un navire de clandestins doit être renvoyé vers l'Afrique dont il vient de partir. Appliquons la loi. Folie dans l'Assemblée. Coalition des partis au pouvoir ou apparentés pour chasser un représentant élu par les citoyens français pour exprimer leur opinion sur le sujet, dans la rue, jusque devant l'Assemblée nationale, des bandes de nègres poursuivant les députés envoyés par les Français sur place pour les menacer. Pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, des menaces de viol de nourrissons d'un an. Silence total. Alors, moi, je sais pas... Mais comme dit Eric, c'est pas pareil. Ah oui, mais alors, attention, hein. Je veux dire, moi, je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Un certain nombre de personnes voudraient entendre tout ce qu'on veut. Mais ça, un tel déséquilibre, si vous voulez, ça va pas durer longtemps. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez... Enfin, le laxisme, machin... Les saïdes, mais alors attention, hein, Je veux dire, si c'est ça maintenant, le régime, c'est-à-dire si c'est... Tu peux menacer de torture des gamins d'un député, tu peux aller les pourchasser devant l'Assemblée, il se passe rien, il n'y a pas un flic à l'horizon. Attention, hein. Ça aura des conséquences. Faut pas croire que ça va durer ad vitam aeternam comme ça sans que personne ne bouge jamais. Hein. Peut-être qu'à Paris, ça va bouger, mais les gens, ils voient ça quand même se dérouler sous leurs yeux. Hein. Donc moi, je dis attention à ce qui se passe. Hein. Donc je sais pas s'il y a des gens qui ont encore un cerveau qui marche au ministère de l'Intérieur, je sais pas, peut-être pas. Un moment de lucidité, enfin, peut-être. Le ministre, il y a les gentils et les méchants. Oui, mais d'accord, mais le ministre... Qui sont les gentils, qui sont les méchants? Le ministre, c'est le locataire, donc il raconte ses conneries, mais au bout d'un moment, tu as quand même un impératif d'un minimum. Et là, visiblement, ça, c'est même plus respecté. Il y a quand même des fonctionnaires derrière, si tu veux. C'est le minimum... Je sais bien. Ouais. Mais bon, attention à ce jeu-là. C'est-à-dire que tout le monde est en RTT... Le ministère de l'Intérieur, c'est la loge, quoi. Hein. Je suis d'accord, mais si c'est RTT pour tout le monde, on s'en tape. Ouais, mais c'est des mecs du RN, on s'en fout. La chasse est ouverte et il y a carte blanche. Ok, mais moi je dis attention, il y aura des retombées. C'est inévitable. Il y aura des retombées. Ah, oui. Étant donné que l'abondance est terminée, il va y avoir des tensions. Oui, voilà. Hein, je veux dire, parce que les mecs, on leur explique. On dit, voilà, on est à l'euro près. Ah, d'accord, ok. Et puis en fait, les nègres, ils ont... Non, plus. Alors, on est à l'euro près, mais pas tout le monde, en fait. Ah, pas tout le monde, non, pas tout le monde. Et puis ça dépend beaucoup de la couleur de peau aussi. Moi, je veux bien hein, sur ce régime-là, mais je pense que Mais il y a un tel délire... Il faut que le régime se consume jusqu'au bout. Mais pour l'instant, ça va. Hein. Écoute, moi, je suis passé. Là, il y avait Halloween récemment. Je suis passé près d'une cité, enfin d'un logement payé par les Français qui sont heureux de payer hein, pour loger des Arabes et des Nègres. Donc, les Arabes et les Nègres pour Halloween faisaient un feu hein, dans leur cité. C'était très intéressant. C'était très joyeux, un feu de joie. Hein, c'était une espèce de Saint-Jean-Baptiste, islamiste. Islamique, non, j'ai dit islamique. Oh là, islamique. Oui, bon, c'est pareil. En tout cas, c'était une fête celtique hein, par ces nouveaux Français qui. Des Gaulois. Assimilés, hein. Des Gaulois, des néo-Gaulois. Qui ah bah, qui fêtait Samaïn, n'est-ce pas? Ouais, hein Samaïn. Mais tu sais que, comment dirais-je, Zorabitan. J'ai mal à ma France quand j'entends ça. Bah oui, comment ça? Je veux dire, Zorabitan était désolé de voir que des Français osaient dire que la femme qui avait torturé Lola était d'origine algérienne. Bah oui, je sais. Oui. Et elle a dit non, mais non, faut arrêter. Les blancs, vous fermez vos gueules maintenant, ça suffit. C'est nous les Français. Voilà. Donc moi, Zorabitan, elle a parlé. Elle est assimilée. Hein, elle aime Israël. Elle va en vacances en Israël. Elle est algérienne. Bah c'est une Algérienne mariée à un pied noir juif. Oui. C'est intéressant. Bah oui, c'est une Française quoi. Donc voilà, donc la Gaule, les Gaulois. Je n'ai pas encore compris la forêt des Carnutes. Oui. Ouais, moi j'ai pas encore compris comment cet individu-là existait. J'ai pas encore compris comment existait médiatiquement. La magie séfarade, tu peux la magie des Juifs. Oui. Non mais si tu peux pas, c'est magique. C'est comme le livre noir là. J'ai vu le livre noir, mais j'ai découvert Marco Pouli. Oh putain. Ah oui ah oui d'accord. Ah oui le Juif de Tunis. L'arnaque. Ouais. Marco Pouli le juif de l'arnaque au CO2. Les médias de droite et tout à bloc quoi. Ils disent il faut discuter avec eux, comprendre, ils ont une enfance difficile. Moi je suis là fadonf. Putain. D'accord. C'est phare de connexion et tout. Et Gaulois. D'accord. Gaulois. Patriote, ouais, moi je veux me faire, tu sais, je suis libertarien, tu vois. Il a dit, hein, Marco, il a dit, hein, moi je me présente aux prochaines élections. Ouais, ah ok. Présidentielle, bon, ouais, il a dit les Français attendent quelque chose. Il a dit. Il sera soutenu par peut-être par l'entourage d'Éric Zemmour, peut-être. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais. Ils ont les mêmes cousins. Ils ont la même gueule aussi. Hein. Il est très beau, c'est un beau spécimen. Il y a des gens qui ont du... il ferait quand même, lui si tu veux je me le réserve pour, c'est pour ma collection personnelle. Marco Mouli, voilà, Marco Mouli, c'est le terroir français. Non, mais écoute, t'es dans un meuble en merisier avec... C'est du Gaulois. Du vrai français. Ouais. Toi, t'es qui? Tu sors d'où? Avec une lumière d'ambiance dans un meuble en merisier, ça fait très bien. Moi, j'aimerais bien. Je pose ça comme ça. Si quelqu'un est prêt à m'offrir ce cadeau, pourquoi pas. Hein, merci, s'il vous plaît. Moi, j'ai quand même un regret, c'est par rapport à... C'est un immense regret. Oui, au décès un peu trop brutal de Reinhard Heydrich. C'est les Beatles. Mais moi, c'est plutôt Reinhard Heydrich quand même, tu vois. Voilà, c'est plus... c'est mon côté Black & Decker. Je suis plus... voilà, quoi. Voilà, bon, bref. Voilà. Mais rien n'est perdu, hein. Je veux dire, il y a des vocations, hein. Je veux dire, voilà, hein. Jeune Français. Jeune Français de race blanche qui n'a aucune goutte de sang à te reprocher, en dehors de l'Europe, qui m'écoute. Toi aussi, deviens un bricoleur émérite. Toi aussi, écoute ta vocation, écoute les dieux de la Gaule. Ce monsieur Mouly vient en France, c'est ça? Il a même pas eu la décès. Il se plaignait, il dit j'en ai marre du fisc, c'est bon, je vais leur payer ce que je leur dois et c'est fini, etc. Puis dans 18 mois, c'est reparti, quoi. Tu connais ça, voilà. Ouais. Enfin bon. Ça va appeler à une certaine droite, ça. Livre noir déjà, ce qui est quand même pas mal, puisque c'est quand même les médias de droite radicale, soi-disant. Hein, oui. Mais nous on est où géographiquement? Parce que si ça, c'est la droite radicale. On est en dehors des polarités, c'est une autre dimension. Mais Livre Noir, c'est Eric Tegner, quoi, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que c'est un immigré. C'est un immigré suédois. C'est le sciotisme radical, quoi. C'est le sciotisme radical. Hein, c'est un immigré suédois. Sciotisme radical. C'est un immigré suédois. Ouais, ouais. Qui s'est scandalisé du fait qu'on ait appelé, enfin que des gens aient appelé, chez Zemmour, dans l'environnement de Zemmour, là, à remigrer, en fait. Ils étaient profondément choqués par le fait qu'on puisse inviter Monsieur Bilongo à regagner la République démocratique du Congo. C'est très choquant. J'ai mal à ma pensée. Oui, Tegner, je crois que ça fait quand même quelques années du temps qu'il était chez les Républicains, que nous l'avions identifié comme étant une immense saloperie, quoi. Hein, on ne peut pas nous reprocher de ne pas voir les saloperies arriver. Donc c'est... Oui, non, ça c'est sûr. Oui. On n'a pas beaucoup de mérite, ceci étant dit. Je veux dire, franchement. On a du mérite par la force des choses. C'est ce que je me dirais, si tu veux. Mais bon. Forcé de constater que ce type-là existe, quoi. C'est une existence médiatique. Oui, incroyable. Et que les gens lui donnent du crédit. Enfin, bon. Bah, bref. Est-ce que vous avez vœux, on sort d'Halloween, est-ce que vous avez vœux de morbide contre des personnes à formuler? Non, je rigole. Alors, comme ça, je pense à Tristan Mendes France, mais de manière tout à fait gratuite. C'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Tristan! Un petit coup de chauffard quand même, hein. ça fait pas de mal. Les dieux celtes. Le celtisme du Jourdain. Je t'avais dit que par chez moi, il y a 2-3 ans, je me réveille un matin, j'entends le chauffard chez moi. Non, tu me l'as dit. Oui, tu m'as dit ça. Les auditeurs ne sont pas forcément au courant, mais je. Ouais, j'ai vécu ce traumatisme. Hein. Oui, il a été réveillé par. C'était quelle fête religieuse des Youtres? Ah, je sais plus. C'est... Rosh Hashanah, peut-être le, enfin, le Nouvel An, un truc comme ça. Ouais, je me préparais le boulot. Je buvais mon café tranquillement sur ma terrasse en attendant d'aller travailler. Et puis, d'un coup, j'entends au loin la saloperie, quoi. Oh, la saloperie qui vient me bousiller les oreilles, quoi. Ah, ça ouais, c'est... Bon, bref. Oui, bref, oui. Oui. Donc, Reinhard Heydrich, comme j'en parlais un petit peu précédemment. Vincent, je pense que t'as... Bon, là-dessus, t'as pas forcément de réaction, j'imagine. Mais avant de nous séparer, quelque chose à dire d'une manière générale, enfin, sur toute l'affaire qui a visé... ce député sur l'accueil de ce bateau, dont on nous dit d'ailleurs que l'Italie aurait accepté d'en décharger une partie. Bon, enfin, le cinéma reprend. Ouais. On nous avait dit que Mélanie... Ah, le gouvernement de droite dur, n'est-ce ouais, pas voilà, voilà, ouais. Voilà. Bon, bah, la Mélanie, elle a baisé sa culotte en pas très longtemps, visiblement. Hein. Bon. Ça s'appelle une femme, oui. Oui, effectivement, oui. Une femme de pouvoir. Oui, qui était allée d'ailleurs à Yad Vashem, hein, en 2009. Ah, en tant que ministre de Berlusconi, oui, pour dire que l'indicible, dont on nous parle tout le temps, qui est quand même compliqué pour quelque chose dont on ne peut pas parler, ne devait pas se reproduire. C'est un mystère de la foi, cher ami. Je sais, je ne cherche pas à comprendre, hein, j'obéis. Hein. Et donc... Oui, il faut, sinon tu vas en prison. Aussi. Vincent, c'est vrai. Et donc, voilà, et donc, bien, elle a fait... Alors, deux choses, hein, cette semaine avec Mélanie. Donc, qui accueille ce bateau, hein, ce navire de... Parce qu'il dit, oui, mais il y a des femmes enceintes à bord. Ah bah oui, ça change tout, alors. C'est bon. Un bâtard des bateaux, c'est ça? Oui, voilà. Non, elles viennent en... Non, attends. Les négresses viennent en Italie accoucher. Pourquoi leur fermerait-on la frontière? Il faut arrêter. Ouvrons les frontières. Hein. Voilà, ça, c'est une politique de droite radicale. C'est ce qu'on voulait. Et donc, Mélanie, dans cette semaine, hein, très occupée, a été à Bruxelles rencontrer von der Leyen, hein, voilà, pour ramper. Donc, ça c'est fait. Von der Leyen qui avait menacé, hein, l'Italie de sanctions si jamais ça filait pas doux. Ah, si jamais ça ne suivait pas. Ouais, voilà. Donc, bon, bah, ça, on est aux États-Unis, hein, et d'ailleurs devant un parterre de juifs. Je tiens à le préciser aussi pour les gens qui vont. À New York. Ah, bah tiens. C'est voilà. Voilà. Bah, c'est accidentellement, hein, ils étaient présents dans la salle, on ne sait pas pourquoi. Mais enfin, bah oui. Ils passaient par là. Oh, voilà. Oh, bah, messieurs, hein. J'ai envie de vous parler, hein. Oh, oui. Venez, chers amis. Voilà. Non, mais c'était chauffé gratuitement et en ces temps de raréfaction du gaz, surtout que les juifs sont très frileux par rapport au gaz, c'est le cas de le dire. Ils sont rentrés. Tu sais comment les juifs se chauffent? Ah non. Enfin, quand il fait froid, non, c'est pas? Non. Bah, ils se serrent les coudes, se mettent tous en rond et puis se mettent autour d'une bougie. Et non, mais attends, c'est pas fini. Parce que quand il fait très froid, tu sais ce qu'ils font? Non, mais... Bah, ils allument la bougie. Je t'ai eu. Alors, donc, sur ce... Elle a été voir la von der Leyen et ensuite elle a félicité Netanyahou pour sa réélection. Donc le tableau est complet. Voilà. Imaginez si la gauche avait été au pouvoir en Italie. Hein. Bon, qu'est-ce que ça aurait été, hein. On en serait crevé probablement. Donc voilà. Donc bref, tout va bien, tout est sous contrôle. Vincent Nogaret, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Pas spécialement. Moi, c'est que, encore une fois, j'espère que ce qui arrive là maintenant va enfin provoquer un électrochoc dans le peuple français. Et si ça le provoque, moi j'en serai le premier heureux, très heureux, puisque je n'attends que ça. Et si ça le provoque pas, eh bien, on pourra dire quand même que dans la décadence et la dissolution de la France, il y a quand même une responsabilité du peuple qui sera restée bien endormie. Parce que quand on me dit que les gens ont le cerveau lavé depuis 150, 200, 250, 300 ans, je ne sais pas, par la franc-maçonnerie, je veux bien. Oui. Mais enfin là, cerveau lavé ou pas, tout le monde voit ce qui se passe. Hein, donc arrêtez de toujours me dire c'est la faute à la franc-maçonnerie qui a lavé le cerveau des gens. Il y a un moment où tout le monde voit, surtout quand il y a cette oui. hystérie, on est capable. Oui, voilà, je suis... Alors, Vincent parle d'or, hein, je dirais pas mieux, effectivement. Bon, un être sentient, hein, qui peut percevoir des stimuli et y réagir, devrait normalement, ma foi, avoir un minimum d'action par rapport à ce qui lui arrive. Et je suis d'accord avec lui que si mettre de la faute sur les forces extérieures, etc., c'est du pur gauchisme. Hein, si le peuple, enfin, si les gens ne peuvent pas voir, parce que là, c'est quand même gros. Il y a du gros nègre, du gros youtre partout. Il y a quand même des grosses ficelles. C'est pas subtil, si tu veux. Hein, en ce moment, c'est quand même très. Hein, ça voilà. On n'est pas dans la subtilité. On est dans le coup de massue. Voilà. Tu le vois venir. Tu le sens. Si tu n'es pas un être sentient capable de percevoir ce qui t'arrive sur la tête. Bon, bah écoute, oui, effectivement, ta responsabilité doit être prise en compte à un moment donné, hein, c'est comme ça. Et j'ajouterais au-delà de ça, moi j'ai une pensée et je pense qu'il aurait le droit à une récompense en quelque sorte pour son mérite au député Grégoire de Fournasse pour sa droiture et le fait qu'il ne lâche pas. Ouais, alors, je serais peut-être moins définitif là-dessus parce que monsieur de Fournasse a dit oui, ben, il parlait du bateau qui retourne en Afrique, mais il a dit qu'il ne voyait pas le député noir qui parlait parce que bon, les autres ont dit tiens, putain, qui retourne en Afrique, ils ont parlé du nègre. Je pense qu'il n'a pas fait exprès, hein, ce député, malheureusement. Il est atteint de mangisme, de francisme, appelez ça comme vous voulez. Et bah, je dirais, bon, ça, nous comprenons, les gens comprennent, mais je pense que lui n'a pas vraiment compris. Ou alors, en tout cas. Non, si je crois qu'il est. Si je pense qu'il est quand même. Oui, non, je pense que les nègres, c'est pas sa tasse de thé, quoi. Je veux dire, quand même, hein, je pense que. Peut-être, mais bon. Oui. Parce que sur ses réseaux sociaux, etc., il était quand même assez constant. Oui, il faisait pas des sorties racistes au sens plein et entier du terme. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup les sorties racistes. Oui, non, mais bon, si tu veux, moi quand je vois quelqu'un qui me dit oui, je n'ai pas vu l'homme noir, je voyais le député. Ouais, non, mais là, tu sens que si tu veux, c'est un peu la Le Pen qui lui a dit il faut dire ça comme ça, il faut truc. Ouais. Voilà. Ouais, moi, j'ai beaucoup de mal quand même. Ah oui, bah, non, mais moi, mais justement, c'est pour ça que je dis que moi, dans l'Assemblée, je dirais d'abord sale nègre, casse-toi en Afrique. Oui. Mais retourne en Afrique, sale nègre. Je veux dire, vas-y, mais je dis, alors, moi, je lui hurle ça dans le, mais même sur le micro. De toute façon, moi, je marcherais sur les tables, moi, de toute façon. Non, mais idéalement, je ne lui dirais pas, je le renverrais en Afrique sans lui dire. Oui, ben, normalement, si tu veux, dans un système normal, il n'y a pas de... Déjà, parler au nègre. Est-ce que tu parles, enfin, bon, ton chien mange, le chien, il mange, c'est comme ça. Je sais bien, mais il faut supprimer la démocratie, je suis le premier à le dire. Donc je suis d'accord avec toi. Ouais. Bilongo, moi je jugeais des bananes à l'Assemblée, tu vois. Tiens, un régime de bananes. Mais pourquoi tu veux lui donner à manger? Ça va pas la tête, il va faire des enfants si tu lui donnes à bouffer. Oh si, ici pour foutre la zone, moi je suis capable de lui jeter des bananes. Hein. Oh ouais, non. Oh si. Abattre la démocratie. Des pierres. En la tournant en ridicule, tu vois, mais jusqu'au bout, quoi, tu vois, la rendre ingouvernable, tu vois. Les nationaux-socialistes, ils arrivaient au Parlement allemand carrément en uniforme, hein, donc c'était clair, hein, ils disaient, voilà, nous, votre truc, à la première occasion, on le fout en l'air. Bon, Moi, ça, j'aime bien les uniformes, mais j'aime aussi les régimes de bananes. Donc, c'est bon, tu vois. Par exemple, tu vois, c'est comme aux zoos. Tu rentres à l'assemblée, t'as des macaques sur les lianes, tu leur balances des bananes et tu regardes ce qui se passe. Moi, je trouve ça très drôle. Ça fout en l'air la République. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est très marrant. Parce que là, s'il y en a un ou deux, tout le monde s'offusque. Mais si t'as 100 députés nègres, parce qu'ils vont nous le faire le truc à la manger. Et moi, j'arrive avec mes bananes. Gandalf, député. J'ai été. En 2022, si tu veux. Oui, mais justement. En 2024, Gandalf est. Non, mais en 2024, député. Gandalf est député. J'arrive avec mes régimes de bananes. J'ai mes 100 nègres dans l'hémicycle. Leur balance des bananes. Ils hurlent. Ça y est, c'est bon. Je fais péter la République. Il faut que nos auditeurs avec des bananes. Bien une chose. C'est que si en 2050, toi et moi ne sommes pas députés de la nation, Je serai député d'un autre régime, je sais pas. Ben non, mais c'est-à-dire que si nous ne sommes pas députés de la nation, il faudra pas que vous soyez. Non, mais de toute façon, ça sera le Kinshasa. Enfin, je veux dire, là, c'est clair. Non, Kinshasa, c'est quand même. Oui, ça sera ordonné. Ça sera ordonné par. À Kinshasa, si tu veux, ils n'ont pas de Babtou à torturer, si tu veux. Donc, ils font leur société, ils se démerdent entre eux. Oui. En 2050, la France, ce sera beaucoup plus intéressant, beaucoup plus. Beaucoup plus rigolo que Kinshasa. Beaucoup plus. Ça sera beaucoup plus. Il y aura une mélange d'État islamique et d'Afrique du Sud. Bamboulistan. Oui, ça sera. L'Afrique du Sud plus le califat. C'est le résumé, ça va être ça. Alors tu as des gens qui rêvent, ils disent, non, mais, on va gagner, on va conquérir l'Europe, Occident. Oh, on va péter la gueule à la Russie. Bah ouais. Non. Tu vas finir ton pays, ce sera un trou à nègre. Là, c'est ça. tu peux faire des circonvolutions géopolitiques sur, ouais, oh, putain, on est trop fort, on est les blancs, on est l'OTAN, on va niquer ces putains de jaunes de Russie. Au final, tes ancêtres se feront bouffer le tibia par des nègres, tu vois. Ils vont déterrer des tombes, ils vont leur bouffer le tibia. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Tes grands-parents, ils vont se faire dévorer par des nègres. C'est comme ça. Voilà. T'as beau faire le beau, tu crois que tu es meilleur que les autres, bah, tu finiras en cordon pour nègre, comme tout le monde. Messieurs, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échanges et pour une nouvelle aventure. À la semaine prochaine, les amis. Bonne soirée, à bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.